Il est 19h. Retrouvez l'Infernal et son équipe dans La Voix du Geek, l'émission 100% jeux vidéo sur O2 Radio. Non, c'est pas vrai. Alors tu montes le son et tu fermes ta gueule. Allez, salut à tous, bienvenue dans La Voix du Geek saison 4, mesdames, messieurs. Nous sommes en direct, on est parti pour une heure et demie, voire plus, de jeux vidéo et de bonne humeur. Retour dans les studios après deux semaines, un petit peu bizarre. Il y a eu un squattage, donc on n'a pas fait d'émission il y a deux semaines. Et la semaine dernière, mesdames, messieurs, on ne t'entend pas encore, ton micro est fermé. Parce que je m'en doutais que t'allais parler pendant que je faisais le lancement. Donc maintenant, tu vois, j'anticipe et je ferme ton micro. Voilà. Bon, en tout cas, ça fait. Et franchement, ça fait plaisir. Moi, j'étais comme un ouf. Ça fait deux semaines que j'attends ça. Obligé, comme d'habitude, de streamer nuit et jour, 24h sur 24. C'est un truc de ouf, c'est putenable. Bon, bref. Franchement, une bonne émission ce soir. On va se rendre la gueule. Puisqu'il y a du bon dos. Il y a des choses à raconter. Évidemment, non. Comme chaque semaine, je ne suis pas seul. Je vais d'abord présenter mes petits camarades. Et puis après, j'ai plein de choses à vous dire. Parce qu'il y a eu de l'avancement, là. La Voix du Geek, c'est en train de devenir une multinationale. C'est un truc de ouf. Non, mais on a plein de choses à vous dire. Et on a des choses à vous demander aussi. Parce que c'est votre émission avant tout. Et donc, et voilà. Vous allez avoir à faire des choix. Et à nous aider. Alors qu'il y a déjà la table de mixage qui part en couille. Bon, bref. Il est là, il est beau. Il a passé un week-end de folie au Stunfest, ah ouais. Mesdames, messieurs. Tagazu. Bonjour à tous et à toutes. Oui, week-end de folie, mais vraiment de folie. Ah bah, que tu nous racontes ça. Je vous raconterai ça tout à l'heure. Et sinon, j'ai joué à Fire Emblem. Ah. Voilà, tu m'as pas posé la question, mais j'anticipe aussi. Tu vois, donc, superbe jeu, et j'espère que la semaine prochaine, vous en parlerez plus. Parce que aujourd'hui, programme chargé. Yes, carrément. Vous inquiétez pas si le son est monté, il descend, c'est la table encore, hein, qui je suis en train de t'imaginer avec le bouton qui monte tout seul et toi qui le redescends tout seul. Bah, en fait, c'est t'as même pas touché, le bouton il bouge pas. Regarde, pour les auditeurs, j'ai les mains levées et voilà, c'est en fait. Oui, c'est, bah ça justement. Oui. Ouais, tu as les mains levées. C'est avec mon sgag en fait. Voilà. Tu vois, il y a plus de magie quoi. Y a, franchement, on est obligé de tout raconter. Il y a plus de magie. Et puis il est là, il est beau, il travaille comme un chien sur le site. Dandy est là, comment ça va poulet? Bonsoir, eh ben ça va très bien, très bien. Après un petit week-end à la campagne pour me faire du The Witcher 3, l'extension Heart of Stone que j'avais pas encore fait. Que j'ai bien apprécié, qui m'a bien fait marrer justement, donc voilà. Puis c'était un petit peu pour me remettre sur le chemin avant le Blood and Wine qui sort le 31 en fin de mois. Mais comment te dire, The Witcher 3, je l'avais terminé au niveau max pour le platiner. Oui, c'est vrai. Et quand je l'ai repris après avoir fait je sais pas combien de jeux derrière, mais j'en ai chié. Reprendre The Witcher avec un niveau élevé, c'est impossible. Bah, le problème, c'est le gameplay. Ça m'avait fait pareil. C'est hyper dur. C'était Unity, Assassin's Creed, quand ils avaient sorti, tu sais, le DLC Dead King. Ouais. Et moi, le jeu, j'y avais pas touché depuis 6 mois presque. Et en fait, j'avais pas du tout réussi, quoi. Enfin, c'était l'extension gratuite voilà. Pour faire passer la pommade. Comme c'était quoi, le ça. Jeu était pas et c'était du coup notre acoustique qu'il avait testé. Ben voilà, parce que impossible d'y jouer quoi, clairement, j'y arrivais pas quoi. Ben là c'était pareil, j'étais obligé de mettre au niveau le plus facile et même là j'ai galéré. C'est te dire que vraiment en fait le gameplay du jeu est tellement différent des autres, ça te demande vraiment de te réapproprier le truc quoi. Donc j'ai bien galéré, mais au moins je suis dans le move pour faire le prochain qui arrive et c'est ce que je voulais. Retrouver un peu mes marques avant pour terminer justement ce Witcher là. Yes, alors on nous dit sur le chat qu'il y a du souffle. Est-ce que ça viendrait pas du câble, peut-être? Peut-être. Alors attends, je vais m'en occuper et je vais le sortir. On va, et on le va régler rentrer. Ça. Direct, on va régler ça. D'habitude. Ouais, il y a du souffle. Et il est là, il est beau, il a mis une casquette de rappeur. Non, attends, elle est fashion ma casquette. Il a mis une casquette de rappeur américain. alors attendez. Non, mais pas quand tu me présentes quand même. Est-ce que c'est pas mieux là? On nous dit, voilà, je suis en train de monter un peu le son. Bon, comment ça va toi, mon poulet? Bah écoute, ça va, ça c'est va. C'est bientôt les vacances. Ouais, à la fin de cette semaine au final. Ah! Ouais, donc j'ai hâte. Et c'est en attendant. Vacances de sa vie, là. En attendant, ouais, c'est les dernières grandes vacances de ma vie, c'est un point tournant dans ma vie. Et après, tu vas rentrer et tu vas découvrir le monde du travail. Ouais, voilà. J'ai pas du tout. Si je pouvais refaire des études sup, je crois que je. Et tu vas voir que là, c'est pas la même salade, comme on dit dans le jargon. Ça pique un peu. Mais du coup, bah voilà, c'est presque les vacances, du coup je joue un peu plus, et là en ce moment c'est Ratchet & Clank, Uncharted 4, et ce soir Overwatch, enfin. Ah yes, et ouais non mais Overwatch c'est un truc de ouf, il est sorti cette nuit, Twitch, enfin voilà quoi, il y avait que des streams d'Overwatch quoi. Mais d'ailleurs je vais faire une petite news après sur Overwatch, mais ouais effectivement ça fait deux semaines que je compte les jours, ça faisait longtemps que j'avais pas eu autant d'engouement pour un jeu vidéo, les mecs, j'aime le jeu vidéo. Voilà. Ah, bah ça tombe bien, t'as la bonne place alors, ça veut ouais, dire. Ouais, c'est clair. Yes. Bon, on nous dit que c'est mieux, donc c'est parfait. Et ils sont là, ils sont beaux, ils sont venus en couple, mesdames, messieurs. Nous avons des invités ce soir, deux beaux jeunes hommes. En binôme, on préfère. Ah, ouais, ok. Bah, ouais, j'aime bien. Les RGB, on peut vous appeler les RGB. Ouais, effectivement, ouais, c'est bon. Yes. Alors, bah, présentez-vous un petit peu, et puis, de toute façon, on reviendra plus longuement sur vous. J'aime bien cette expression. Après le Scud, après 19h30. Ça marche, bon, mais je vais prendre la parole. Eh, vas-y, bonsoir à tous. Donc, moi, je suis Quentin, président, créateur du groupe Retro Gamer de Bordeaux sur Facebook, qui aujourd'hui passe association. Hein. Ah. Donc, c'est une bonne chose. Donc, à ma gauche, le vice-président est là. C'est Racco. Il va se présenter après. Donc, voilà. Donc, on en reparlera plus en détail après. Oui. Mais, effectivement, on pourra se retrouver sur Facebook, parce qu'on est uniquement sur Facebook. On a aussi un forum, mais un peu en retrait. Mais voilà. Aujourd'hui, tout se passe sur Facebook. Donc, on en parlera tout à l'heure. Mais carrément. Yes. Ben à mon tour, salut tout le monde. Merci pour l'invitation déjà. Eh ben de rien, écoute. Voilà, donc Racco, membre des RGB Retro Gamer de Bordeaux. Je vais faire comme vous, je vais vous dire ce que j'ai fait ce week-end. Bah vas-y. Donc moi c'était un week-end plutôt sportif, puisqu'avec ma petite femme on est parti à Mont-de-Marsan pour se faire un 15 bornes dans la boue sous des trombes d'eau. Oh, avec 30 obstacles. Ah, voilà. Oui, c'est la course moon obstacle. Ride, hein. Le moon ride, voilà. Moi habillé en Batman et elle en Batgirl. Faudrait faire une équipe de la Voix du Geek. On va rigoler là. On va tomber dans la boue. Au bout de 300 mètres, tout le monde. Ah ouais. Où est ma bannette? On peut vous entraîner, on peut vous entraîner les gars. Où est la sauvegarde? Le dernier qui m'a vu faire du sport, il est pas jeune quand même. Je crois que c'était mon prof de sport en 3ème. Et puis niveau gaming, c'était du Oddworld sur Vita que j'ai ressorti. Ah bien. Que ce soit La Fureur de l'étranger, l'Odyssée de Munch ou même le New Entity qui est sorti pendant. Alors l'Odyssée de Munch, je l'aime beaucoup. Moi, ça me faisait beaucoup rire parce que on joue un autre personnage qui est dans un fauteuil roulant. C'est mon préféré. Et non, mais le bruit de la roue du fauteuil roulant, j'y ai pas rejoué depuis la Xbox. Et ben, je me rappelle encore du bruit. C'est ça. C'est énorme, quoi. Pour moi, c'est le meilleur. C'est le meilleur. Ouais, carrément. De gros problèmes de caméra, mais c'est le meilleur. Yes. Voilà. Bon, bah c'est cool. En tout cas, on va parler avec vous un petit peu après 19h30. On va parler rétro gaming un petit peu ce soir. Et puis moi du coup j'ai plein de choses à vous dire, plein de choses à vous raconter. Évidemment la semaine dernière BGF, donc tiens je fais juste un petit coucou à Jean-Luc Sala et sa Drink Team qui m'ont gentiment accueilli pour présenter avec eux le battle de dessin. Franchement j'ai passé un super bon moment. On a fait des choses pour arriver là quand même. Ah bah de toute façon moi c'est connu, hein, tu sais, la couvue on m'appelle dans le métier. Ça couche. Ah bah ça couche mon pauvre, t'as pas idée quoi. Et puis un big up à Brice Fournier de la série Kaamelott. Qui est hyper sympa, j'ai halluciné puisque moi je me suis retrouvé propulsé un peu à présenter le battle de dessin avec eux. Et franchement il était hyper cool quoi, on a vachement déliré, c'était hyper bien. T'as eu bien de la chance. Ouais non franchement hyper sympa. Et voilà, donc franchement gros big up à eux, je suis sûr qu'ils vont écouter le replay parce qu'ils sont à fond quoi. Dès qu'on parle d'eux, faut leur dire et ils réécoutent les trucs. Ouais, bisous à clair. Vous. Gros bisous caquette. Alors il y a plein de messages, je les lirai après et je vous dirai comment envoyer des messages. Je voulais vous parler aussi du site internet qui avance vite, qui avance bien. Et on a décidé d'une date, donc il sera en ligne le 10 juin pour mon anniversaire. Oh, c'est le beau cadeau. Ouais. C'est officiel. C'est pour, comme ça je me rappellerai de la date en fait. C'est surtout pour ça. Donc voilà, il avance bien, franchement il prend une bonne petite gueule. On travaille dessus comme des acharnés avec Dandy. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Si, donc il y aura une soirée sûrement au Meltdown, le bar de Bordeaux, pour faire le lancement du site. Donc il y aura une soirée, on sera là-bas et tout, on fera un gros truc, on est en train de mettre ça en place. Et aussi, on parlait des replays à l'instant, il y a un petit problème avec les replays, il n'y a plus que 9 émissions qu'on peut écouter parce qu'en gros on se fait rattraper par les droits d'auteur, mesdames, messieurs. Et oui, c'est un truc de ouf. Donc on est en train de mettre ça en place. On va prendre un hébergeur, les mettre dessus, et comme ça il y aura plus aucun problème. Mais là, le site qui héberge les replays, lui, bah il a pas le choix que de les effacer parce que bah il y a des problèmes de droits. Donc voilà, vous inquiétez pas. On voulait se poser la question aussi, et c'est vous qui choisissez. Est-ce qu'on continue l'émission en juillet, les chéris? Moi, je suis chaud courant. Moi, je travaille, donc il y a pas de problème. Moi aussi, ça devrait le faire. Eh ben, écoutez, pareil, on fera la voix. On est chaud. Yes, okay. En juillet, on sera là. Donc, on fait la voix du geek en vacances. On fera un autre format, chapeau de paille, claquette, format portable. Ouais. Donc voilà. Ok. En bon, bah vous aurez une émission en juillet. T'arriveras à la monter. En haut de la dune du Pila, ouais. Ça, pour le vent, mon gars, c'est un truc mortel, quoi. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Si, on a streamé hier après-midi, tiens, je vois sur le chat, ils veulent que je le dise. On a streamé Jackie et Michel Gaming. Voilà. Eh ben franchement, c'est bien pourri. Pas un bout de nichon, pas une tub, que dalle. Une tub, on s'en branle un peu, mais bon. Ouais, c'est un peu l'idée. C'est naze. C'est un peu un jeu qui est au format un peu Facebook. En gros, il faut que t'attendes. Ils te disent, tu as une mission qui dure 2 minutes, et donc bah tu attends 2 minutes pour gagner de l'XP. C'est si court comme mission, ça. Quand même. Bah non, mais ça. Après, il y a 2 minutes, 5 minutes, 12 minutes. Et pour les mecs un peu plus endurants. Ah non, mais attends, tu crois pas si bien dire. Je vais te raconter un truc après. Et donc voilà, ouais, dans l'idée. Et puis bon, pour passer, t'as des joyaux. Et en fait, voilà. Donc le but du jeu, c'est de devenir une grande porno star. Donc c'est un peu naze, hein. Franchement, il y a pas grand chose à faire. Et t'es devenu une grande porno star alors? Non, mais on a fait des tournages. Alors tu peux renommer tes films et tout. Non, c'était Touche mes boules à Istanbul, parce que je l'aime bien. Un grand classique. Un grand classique. Et bon, Jackie et Michel Gaming, voilà. Bon, c'est pas terrible, mais on a quand même bien rigolé. Ouais. C'est quand même bien pourri. Et puis dimanche, j'ai été en renfort bosser dans le magasin où je bosse d'habitude de temps en temps. Et ça m'a bien fait rire parce qu'il y a un mec qui est venu acheter un Samsung Gear. Alors quelqu'un peut nous dire ce que c'est pour les auditeurs, le Samsung Gear? Alors c'est un casque qui ressemble, comme à ses confrères, les casques de VR. Sauf qu'en fait c'est juste une boîte en plastoc où tu mets ton téléphone dans la glissière et tu te retrouves avec ton téléphone à 3 cm des yeux. Exactement. Et le gars il est venu, il était un peu bourré, il devait avoir, je sais pas, la quarantaine. Et le gars il vient me voir, il me demande, donc c'est le dimanche, c'est en service un peu limité quoi. Donc on est un peu sur tous les rayons en même temps. Donc je l'emmène. Et puis on les regarde un peu, tu vois, je crois qu'il y a des auditeurs qui appellent déjà. Bon, c'est pas grave, je répondrai pas au téléphone tout de suite. Mais et en gros, le gars, il me le prend et puis je vois, tu sais, qu'il est un peu chelou et il me regarde et il me fait on parle entre mecs. Hein. On parle entre gars. Franchement, ça je l'achète parce que les films de cul, mon pote, c'est un truc de ouf. Franchement, tu regardes vers le bas, tu vois la caquette et tout. Hein. J'ai halluciné, mon gars. Et il est parti avec sous le bras. Le mec se tape un délire. Ça coûte combien ce machin pour faire ça? 69€, je crois. Ouais, un truc comme ça. Oh, ouais. Joli prix. J'ai pas trop fait gaffe au prix, mais j'ai halluciné, quoi. Ouais, j'ai pu le tester, ouais, aussi au magasin où je travaille, et c'est vraiment pas mal. Hein. Ça rend bien. Hein. Mais pour les boulards? Non, pas pour les boules. Il y en a un paquet là-bas. Je suis pas adepte encore, mais. Ok. Fait un coucou à sa copine qui nous écoute. T'inquiète pas, chérie, je vais pas te tester pour les boules. Voilà. On va voir, il y a un dossier caché sur le PC, on l'a tous celui-là. Ouais, tu vas dans. Sur le téléphone là. C'est ça. Ok. Et puis moi aussi, bonne semaine. J'ai fini Shadow of the Beast, j'ai fini Doom, j'ai fini Homefront ce matin dans la sueur. C'était vraiment pourri. Shadow of the Beast et Doom, on le teste la semaine prochaine et Homefront la semaine d'après. Puis on va glisser Overwatch en même temps, histoire qu'on fasse pas une émission que sur Homefront, parce que sinon non, on va tous Overwatch en plus. Oui, non, et vrai, Fire Emblem si voilà. Ah bah oui, bah oui. Ah non. Oh là là, il y en a trop. J'en peux plus d'eux, hein. Ah mais carrément, bah Fire Emblem Nintendo de Tagazu quoi. Voilà, dit Nintendo. Ah mais carrément, avec plaisir. Et puis je voulais vous dire un autre truc aussi, si vous avez Netflix, allez jeter un coup d'œil dans le film. Alors c'est un vieux film des années 80, je pense 70, Tintin et la Toison d'or. Et je sais plus avec qui j'en ai parlé. Avec moi. Ouais. Et en gros, vers 17 minutes, il y a une séquence où ils sont à Istanbul et Tintin escalade une forteresse. Et en gros, c'est exactement les mêmes scènes que dans Uncharted 3. Quand il est ah dans. Ouais. Ouais. Et en fait, c'est tiré de là. D'accord, ok. Et c'est exactement la même séquence. Tu vois Tintin qui descend le long d'un câble et c'est le même angle de caméra que dans Uncharted. Ah, énorme. Mais carrément, j'hallucinais quoi. Un petit easter egg comme ça. Mais carrément. Donc voilà, c'est à peu près tout. Je pense qu'on a fait le tour. Alors, comme toutes les semaines, vous pouvez nous laisser des messages sur Facebook, sur Twitter et on est aussi en live sur Twitch. Ça, c'est un truc de ouf. On est en image. Et ça, c'est quand même bien fait. Twitch.tv/lavoisdugeek, la voix avec un E, vous êtes déjà 17. Gangsta, Tagazu. Tagazu, il se la joue comme ça. Tagazu, t'as oublié ton t-shirt, je crois, ce soir. Oui. Ouais. Voilà. Il est en dessous ou pas? Oui, non, même pas. Même pas. Il a poil dessous. Et donc, vous pouvez laisser des messages. Il y a Momouti, il y a Sgrog, il y a Ishok, il y a Tibou, il y a Bibine. Il y a Bibine qui a cramé son identité secrète. Bon bref, il y a déjà du monde. Merci à vous, vous déchirez tout. Ce soir, bon programme en plus. On va se faire toutes les nouveaux jeux vidéo de la semaine. À la nuit, on s'écoute. Tiens, on va s'écouter ton Scud, Dandy. Alors, on s'écoute Victory de. Alors, laisse-moi trouver toujours le nom du mec. C'est M4A. M4A. Ok. Je suis sûr que c'est gagné nul d'abord. Ça envoie le pâté. T'as bien Prodigy? Ça va. Bon, voilà. Bon, okay. Ça devrait aller. C'est dans la même trempe. Après la nuit, on parle avec nos invités RGB à 20h. On s'écoute quoi? Si, alors putain, ça c'est un morceau qui m'a fait délirer. C'est A Tribe Called Red avec Electric Popo Drum. Et oula, en fait, oh là, my corn. il va passer parce qu'il a des nouvelles à nous donner de Nathan. Ah d'accord. Ah oui, parce que Nathan, il va pas très bien. Aïe, c'est parfait, j'adore. Et en gros, c'est tiré d'une publicité. Et quand tu regardes les commentaires sur la chaîne YouTube, il y a un mec qui a écrit qui vient ici grâce à la pub Rexona. Et t'as tous les messages en dessous. Moi, lol. Voilà, ça m'a fait rire. Et c'est du putain de bon son. Ça déglingue. Et puis après 20h, on se fait le test d'Uncharted 4. Ça va tabasser aussi. Parce que c'est un gros morceau. Franchement, heureusement qu'il a été là. Il a sauvé le mois de mai. Ouais, c'est clair. Parce que des casseroles là. Franchement, voilà. Hein, c'était bon, on va pas se mentir. On est bon ? On est bon. On s'envoie la musique des news, on est des ouf ? Allez, c'est parti. J'envoie la musique des news et on fait le tour de l'actualité vidéoludique de la semaine. Alors, moi, je vous le dis direct, j'ai pas de news. J'ai rien branlé. Oh. Bah, Tagazu, je pense qu'il en a écrit assez pour te combler. Non, j'en ai que deux. Et on dirait un récit. Il en a laissé dans sa voiture en plus. Des news très lourdes. Au volant, il les a écrites. Il est fait en versé, j'ai l'impression. Je vais ton commencer petit papier. Alors, je commence, c'est parti. Avec TF1. Alors, c'est du lourd, attention. Hein, grosse news. TF1 qui va co-organiser un tournoi Hearthstone. Non. Oulala. Waouh. Vous savez que depuis la loi e-sport, il y a plus en plus de sponsors qui viennent sponsoriser des tournois e-sport. Et donc, eux, ils se sont lancés dans le tournoi d'Hearthstone avec quand même 8 500 € de cash prize. Hein. Mais attends, donc, ce sera capté et alors, diffusé à la télé. Alors attends, parce que bon, c'est quand même la chaîne juste après Danse avec les stars. Tu sais. Voilà, Finance Gardien et tout. Donc non, pour l'instant, d'ailleurs, c'est que sur les finales. Donc ça va être des grands joueurs professionnels, puisqu'il y a des joueurs professionnels d'Hearthstone qui vont venir. Et là, on peut se qualifier, si vous êtes intéressé, pour le week-end, ce week-end, 28 au 29 mai, sur justement le site TF1. Donc, c'est assez bizarre. Et on pourra voir que les finales sur MyTF1, leur chaîne, en replay, voilà. Pas sur TF1. Donc, peut-être que la prochaine étape. C'est déjà énorme. Peut-être des tournois de Call of à la place de The Voice le samedi. T'imagines? Call of à la télé, j'ai un doute. Voilà, oui, Call of. Après minuit, Charzal va se faire des cheveux blancs. Mais voilà, je trouvais ça, quand j'ai vu ça, j'ai fait, c'est complètement insolite, surtout que, la moyenne d'âge des téléspectateurs de TF1, ça doit être à peu près la cinquantaine. Donc, après, TF1, c'est la première chaîne d'Europe. Hein. D'Europe? Ah oui, TF1 c'est la première chaîne d'Europe. Donc voilà, moi je trouve que c'est de bonne augure pour les sponsors. Carrément, et tu parlais de Joséphine Ange Gardien, Mimi Mati va jouer dans un Disney bientôt. Ah. Ouais, la Naine des Neiges. Voilà. Moi je me casse. Voilà, il y aura une version asiatique, la Naine des Neiges aussi. Celle-là, je peux pas. Bon, les cadeaux, celle-là je vous la facture pas. La nouvelle star de CSGO, on nous dit sur le chat. T'imagines? Allez, Dandy. Alors moi je vais vous faire un petit topo de ce qu'on attend tous en fait depuis un an on va dire, mais plus intensément ces derniers mois. Je vais vous parler de l'E3. Ah oui. Alors l'E3, j'ai sous les yeux le programme avec les horaires français donc de chaque éditeur. Alors ça commence le dimanche 12 juin. Il faut savoir donc que Electronic Arts fera sa conférence à 22h, donc à notre heure de chez nous. Bethesda ensuite suivra avec à 4h du mat. Donc là pour le coup ce sera lundi matin. Ça a piqué. Ouais, et on sera en direct sur Twitch, on vous les commente en live et voilà. Tout. Voilà. Donc là toutes les conférences. Ah ouais, mais ça dure 3 jours donc attention. Et puis ça y est, il est en train de se dire j'ai peut-être dit de conneries aussi en disant oui quoi. Non, pas du tout. Non. Donc le lundi, on a dit 4h du mat, il y aura la conférence de Bethesda. Ensuite, il y a un gros blanc jusqu'à 18h30 où Microsoft donc prend la place sur la scène. Ensuite, ça va être le PC Gaming Show à 21h. Ubisoft monte sur les planches à 22h. Ouais, t'as écrit des lancements et tout. Ubisoft, non. Il monte sur les planches. Quoi. Ah, non, il y a juste le nom. Attends, impro ma gueule. Ah, la vache. Impro. Dandy, ça rigole plus maintenant. À la fin, il va lâcher le micro Dandy, comme ça, là, tout droit. Tac. T'as vu que Obama a fait ça d'ailleurs. Eh ouais. Obama out. Ouais. Alors Ubisoft à 22h et on va avoir PlayStation qui se fait bien attendre à 3h du mat. Donc ce sera mardi matin pour j'ai coup. Toujours trouvé ça un peu triché qui leur conférence après Microsoft. Ben ouais. C'est toujours comme ça. Vous rappelez avec Xbox One et souviens-toi déjà quand Sega a annoncé la Saturn. Et là vous avez pas l'impression qu'il manque un truc? Nintendo. Sega. Mais Nintendo, action chez Nintendo toi. Mais Nintendo ça a été dit il y a un moment de ça, ils ne seront pas présents, ils auront pas de stand, ils auront pas de conférence. Si le seul pareil, il y a une grande statue à l'entrée de l'E3. Ouais, avec un édité trou par Nintendo. Non, avec un énorme dedans, fuck ouais effectivement, voilà. Et donc Nintendo en fait à la place le mardi 14 juin à partir de 18h va faire un stream live pendant pendant 24 heures non-stop. C'est un truc de fifou. T'as pas le droit de dormir quand tu suis le 3 de toute façon, c'est comme ça. Bah, on va le suivre, on va le suivre. Ouais, ouais. Et donc, ce sera pour présenter T'es Zelda. T'es chaud, ta gars? Non, je suis pas chaud. 24 heures de Zelda. Donc voilà, il y aura la présentation live du jeu. Il va y avoir du gameplay, des infos, des coulisses, des trucs de développeurs, enfin des trucs un peu chiants à la fin. Je pense qu'ils vont vendre des figurines. Mais non, je pense qu'ils vont juste mettre des bornes avec les gens qui jouent et c'est tout. Et d'ailleurs, cette année, il y a un espace qui a été créé exprès pour le grand public. Ah oui, c'est vrai. Ouais, qui a, alors après, c'est à côté, c'est pas dans le Convention Center. Et je crois que tu paies je sais plus combien pour y accéder. Et c'est des tranches horaires de 5 heures. Donc il reste 5 heures et après tu laisses ta place et c'est une tournante. D'accord, en fait. C'est la première fois que c'est ouvert au public. Ouais, mais c'est un peu une cage à poules à côté quoi. C'est okay. Pas vraiment le 3 en lui-même. C'est juste un endroit où ils ont posé des bornes et où les gens peuvent jouer aux jeux qui seront présentés à l'E3. Alors tu vois, sur le chat, on nous dit c'est la déprime chez Nintendo, ils font même plus les salons. Après ils sont enfin l'année dernière sur l'avocat du diable. Eux c'est Nintendo Direct depuis qu'ils ont fait oui, ça voilà, ils veulent directement les je pense directement surtout, dans surtout, ton anus voilà, directement, directement. Voilà, aux auditeurs. Alors qu'on voit la magnifique arrivée de Kogu. Salut Kogu. Kogu le cowboy. Et donc je pense que c'est pour ça, ils veulent un peu se détacher des médias, genre. Puis la thune, je pense que aussi le 3 ça coûte très cher et ils ont envie d'économiser un peu les pépettes. En plus, faut savoir que Nintendo c'est une boîte qui est purement japonaise et du coup même les décisions qu'ils prennent en termes de marketing et de com sont souvent franchement bizarres. Parce que ils se retrouvent dans des réunions, je sais pas, à 12 où ils ont tous un droit de veto et tout. Enfin, c'est vraiment une architecture d'entreprise qui est vraiment bizarre pour le coup. Il y a beaucoup de parano dans la communication de Nintendo. Je trouve que voilà, ils ont peur que ça, voilà, une info filtre. Mmh. Voilà. Ouais, ils dorment tous avec des katanas. Quoi. Surtout voilà. Que pour Smash Bros, ils sont bien fait démonter en termes de leak quand même. Donc, C'est mérité, je pense. Et yes. Tiens, du coup, les poulets. Est-ce que vous pouvez donner un micro à Kogu, s'il vous plaît? Bonsoir. Comment ça va? Comme quelqu'un qui vient de passer 2h30 dans des bouchons. Oh la vache, depuis que tu travailles dans le vin, t'as changé. C'est ça. Bon, ça va? Ça va, ça va. Alors Kogu, ça fait 2 semaines qu'il est sur Uncharted 4 en mode expert, les gars. Voilà, le pauvre. Et il est resté bloqué 2 jours au même endroit. 3 jours. Je suis resté 3 jours bloqué au chapitre 17, les naufragés. Et j'ai fini par réussir. Et là aujourd'hui, je suis à nouveau bloqué depuis 2 jours cette fois-ci sur le chapitre 20. Alors c'est clair que le mode extrême, on en parlera plus longuement tout à l'heure, mais le mode extrême, ils ont monté d'un cran. Hein. C'est un peu le mode brutal. C'est de le la mode brutal, voilà, des précédents. Ouais. Ouais. Mais voilà, moi je sais pas faire un jeu si c'est pas comme ça, dans la souffrance et dans la sueur. L'inverse total. D'ailleurs, je l'ai mis en facile Uncharted pour commencer. Mais t'es sérieux? Non, je l'ai mis en normal. Mais en franchement, t'as vu sa tête d'explorateur qu'il a? Oui, non, mais attends, je suis désolé, mais enfin. C'est comme, tu vois, la scène dans Far Cry 3 dont tu m'avais parlé pendant des semaines, là, avec le Damien Marley, tu vois, en musique. Oui. Tout le monde kiffe cette scène où tu branles un... tu branles de la ganja avec tu un... Tu brûles un champ de marijuana. J'aime bien ce genre de la puce. Et genre, et du coup, moi, je l'ai fait, cette scène, et je suis mort, mais au moins 36 fois, parce que je jouais en mode hardcore, etc. Du coup, je la déteste, cette scène. Bah là, c'est pareil, j'ai envie d'apprécier Uncharted. Du coup, je préfère que ce soit facile. Oui, mais c'est pas faux. Tu vas me jeter la pierre ou non, pas? Non, du tout. En fait, on profite tout autant du jeu parce qu'en définitive, il n'y a pas tant de gunfight que ça. Ben non. Et ce sont les gunfights qui sont compliqués. C'est-à-dire qu'on peut avancer bien, très facilement et enchaîner les chapitres et y être bloqué, comme ça a été le cas pour après, moi. Pour ma défense, jours, le 3, je l'ai fait en difficulté maximum une deuxième fois. Quoi. Ah. Voilà. Mais j'attends. Yes. On va voir. Bon, bah vas-y, tiens Iki, si tu veux, balance une. Ok, du coup, moi je vais vous parler d'Overwatch. Oh, ça y est. Ça va devenir ton nouveau BioShock Infinite. Non. Franchement pas. Et nous a gonflé les couilles avec ça pendant, mais genre, un an quoi. Et j'ai fait un an de vidéo YouTube à propos de BioShock Infinite. Oui, c'est vrai. C'était vraiment obsessionnel. Non, là ça l'est un peu moins, mais voilà, d'ailleurs, de toute façon. Que je vous en parle ou pas, il y en a beaucoup qui n'ont pas pu s'empêcher de remarquer la sortie d'Overwatch parce qu'on nous en parle partout. Et là, ce qu'on a pu voir récemment à Paris, notamment près du centre Pompidou, c'est une statue géante de Genji d'Overwatch dans un espèce de packaging géant en fait, comme s'ils avaient fait un produit dérivé. C'est une figurine de Genji dans son packaging, sauf que c'est taille exagérée. Tu vois. Pourquoi ils nous ont mis Genji en France? Ils sont alors, forts. C'est le rapport avec Kenji, c'est ça? Parce que franchement, je suis un peu déçu, moi. J'aurais préféré avoir Genji. Tout ce que je sais, c'est qu'en France, il y avait Genji, aux États-Unis, il y avait Tracer, et en Corée, il y avait Pharah. Tracer, ils l'ont mis aux États-Unis, pas en Angleterre? Non. Mais c'est débile. Mais pourquoi on a eu Genji et pourquoi ils ont eu Pharah? Parce qu'il n'y a pas de perso français. Mais si. Ah bon, et qui? Bah, c'est Widowmaker là. La française. Bah ouais. Ah excellent. T'es con putain. Quoi, tu viens de le dire toi-même. C'est bon ça. Ok, bon bref. Et du coup en fait ça a été un très très gros pétard mouillé. Faut savoir que Blizzard jusqu'à maintenant sur sa com d'Overwatch a été juste parfait. Et là ils ont fait le coup de pute aux fans avant la sortie qui a un peu refroidi certains fans. C'est qu'ils avaient annoncé en fait l'inauguration de la statue. Mais à ce moment là c'était pas dit, c'était juste un événement. Et du coup ils ont donné rendez-vous à tous les fans d'Overwatch de Paris par exemple, près du centre Pompidou à une certaine heure. Du coup les gens se sont ramenés, ont pu admirer pendant 6 heures la statue de Genji, ne rien faire d'autre, alors qu'en face il y avait un bar avec les VIP et la presse, avec les développeurs du jeu qui parlaient avec eux, et les VIP qui buvaient du champagne et qui repartaient avec les collecteurs de Overwatch. Et les gens ont attendu pendant 6 heures comme ça que quelque chose se passe, et tout ce qu'ils ont vu c'est des mecs en face se bourrer la gueule avec les développeurs. Et du coup ça, bah, ça a créé franchement énormément de rage sur les réseaux sociaux. Et rien que pour ça, si vous regardez un des articles d'Overwatch sur Facebook qui parle de la statue, vous pourrez voir à quel point le langage français est fleuri. Voilà. Ah ouais, bah, c'est étonnant qu'il y ait des rageux sur les réseaux sociaux. Oui, ça c'est non mais c'est marrant une fois de plus, tu vois, de voir à quel point, ben voilà, ça arrive direct et le premier endroit où on le ressent, c'est dans les réseaux sociaux quoi. Et personne n'a essayé de brûler la statue? Non. C'est pareil quand même. Non, ouais. Moi j'ai brûlé ma. Ça reste des fans d'Overwatch, vous voulez. J'ai brûlé la bêta moi. Ah. Voilà. Ouais. Et tiens, avant que Kogu fasse sa news, tu vois, on nous dit sur le chat, c'est Sgrog, il fait encore un truc pour ceux de Paris. Voilà. Ah ouais. Oui, non, mais certes. Après, oui, bah, c'est sûr, mais c'est la capitale. Il y a un moment, les mecs, où on habite dans des villes qui sont certes mieux que Paris, mais Paris, c'est la capitale, on n'y peut rien, oui. Quoi. C'est, voilà. Quoique, ouais. À terme, peut-être que Bordeaux. Oui, ça va venir. Justement. Ça va venir. Allez, mon Kogu. Alors, ben, moi, je vais vous parler, donc, de Google et de VR. Donc, ah. Du coup, je vais vous parler de la Daydream. En avez-vous entendu parler? Vaguement. Quelque chose. Eh ben, en fait, la Daydream, ça va être donc, on va dire, l'accès réalité virtuelle, donc, développé par Google. Et donc, eh ben, Google, donc, ne laissait pas, enfin, n'a pas voulu, ben, laisser ses petits confrères développer de la réalité virtuelle et puis lui, ben, rester dans son coin. Et donc ben voilà, est né donc sous Android. Bon, ça tournera sous Android N, le nouvel Android. Attention. Attention. Et donc c'est son fort, c'est créatif quand même à Silicon Valley. Ah bah, Android attends. N comme nouveau. Oh, la glace. Ça m'a effacé. Ah non, pardon. Et voilà, donc elle est prévue pour cet automne et donc Daydream permettra donc aux mobiles concernés. Alors attention, on ouvre les parenthèses, pourront donc utiliser le Daydream les Samsung, les HTC. Alors après, il y a des marques que je n'ai même jamais entendu parler. Je sais les pas Lidl. Si ça va vous dire. Non, non, pas tout à fait. C'est le Huawei. Huawei. Donc le LG, le ZTE, l'Asus, l'Alcatel, le Xiaomi. Asus. Et voilà, et Xiaomi donc qui ont signé cet accord. Et donc ils annoncent une latence en dessous des 20 millisecondes. Je suis sûr que ça parle aux plus férus d'entre vous. Oui. Tout à fait. Et donc on sera plus proche de l'Oculus Rift que du Gear VR. Et donc qui va être compatible, qui sera donc compatible, pardon, je vais y arriver, avec tous les mobiles de la gamme Ready, et qui sera commercialisé et accompagné d'une manette télécommande dotée d'une technologie de détection de mouvement basique. Bon, ah, et tu les, qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, ça je suis le seul qui flippe à l'idée de mettre mon téléphone à 10 cm de mes yeux. Ouais. Quoi. Non, alors, moi c'est pas mon délire. Bah, on va pas relancer le débat, mais enfin, on va se niquer les yeux. Quoi. C'est un truc de ouf, ça. Je comprends pas. On ça, va faire l'émission ouf. avec des demi-lunes. Eh ben, Brice, si t'arrives, attends, je vois plus les boutons. Dans des culs de bouteille, tu sais. Ah ouais, mais yeux, grave, on va tous finir. Ben, d'autant plus qu'en plus le jeu vidéo, on peut dire que c'est pas vraiment la marotte de Google, c'est pas trop son domaine. Bon. Mais on a quand même quelques licences qui ont fuité, qui auraient déjà donc, enfin qui seraient déjà développées dessus. On aurait un Need for Speed No Limits. Ah ouais. Directement dessus. Cool, on va on pouvoir se lancer encore sur le bitume. Yo. Ouais. Un pain. Hashtag j'ai réussi ma course. Hashtag Google. On aurait donc également F-Gun Jack Next, qui serait une exclusivité. Et également, on va pouvoir utiliser un Underworld Overworld. J'essaie de contenir ma joie là. Ouais. T'as vu ça déjà, c'est la news qui donne super envie. J'ai des sueurs froides quoi. Et donc ça va également être, il va également être possible de pouvoir regarder du cinéma. Donc avec le Daydream, et on va retrouver donc certaines plateformes dessus comme Hulu, CNN, Netflix et Google Street également. Picasa sera accessible donc via cette VR avec. Ça veut dire qu'on va regarder des séries Netflix en VR. Ouais. Eh oui. Mais du coup, ça sera pas en entier. YouPorn ou pas? Le principe. Bah ouais. Ah oui, non mais. Ça viendra, c'est sûr. Mais c'est pas pour moi. Le principe, c'est que tu seras assis. Le principe, c'est que tu seras assis comme dans une salle de cinéma et l'écran est hyper loin en fait. Voilà. Comme si l'écran ne sera pas, tu regarderas pas la série en plein écran quoi. Et pour répondre à ta gazou, aujourd'hui on en est déjà à parler cinéma dessus, c'est que déjà l'industrie du porno a déjà depuis bien longtemps récupéré le filon. Ah, il y a des accessoires, mon pote. Mais c'est grâce... Brice nous l'a rappelé voilà plusieurs fois. C'est grâce au porno qu'on a connu le DVD. On est passé de la VHS au DVD grâce au porno. Sachez que Jackie et Michel, premier sur la VR. D'ailleurs, le saviez-vous, depuis la sortie d'Overwatch, il y a eu une recrudescence de recherche d'Overwatch sur Pornhub. Voilà. Ah ouais. Ils ont même mis un sondage sur Twitter. Aïe aïe aïe. Tiens, il y a Callahan qui doit être un pote au RGB qui fait Chris. Hashtag RGB. Rien ne bat Sega, même pas Overwatch. Ouais, bah alors ça c'est Chris. Non mais ça va, c'est des débats qui n'ont pas lieu d'être. Alors lui, si on le lance sur Sega, ça y est, on passe la soirée. Eh ben on parlera avec lui tout à l'heure. Ça marche. On s'écoute le SCAD. Yeah. Allez, les 19h30, vous écoutez toujours La Voix du Geek. Dans un instant, on revient avec nos invités des RGB. Après 20h, on se fait le test d'Uncharted 4, mais pour l'instant, on s'écoute Victory de M4Ray. M4Rare. Ça a l'air sympa comme c'est ça. C'est victorieux. Allez, on revient juste après ça. Vous écoutez Eau de Radio. Vous écoutez Eau de Radio. Sur 91.3. 91.3. La voix du geek. L'émission 100% jeux vidéo sur Eau de Radio. Allez, on est de... Oui, merci pour ce charmant bruit de chaise. Allez, on est de retour, toujours en direct sur Eau de Radio, 411.3 en Aquitaine et sur eauderadio.net pour le reste de la Gaule. Vous pouvez nous suivre aussi en direct sur Twitch, twitch.tv/lavoixdugeek, la voix avec un E, on est en image. Et le chat est ouvert, vous pouvez nous laisser des messages, ça réagit beaucoup. Et ça nous dit, tiens, alors attends, je l'ai vu passer, il est où? Tac, tac, tac, tac. Kogu, que tu sois assis ou debout, tu fais la même taille. Voilà. Vas-y, donne-moi le pseudo. Qui c'est qui a dit ça? Alors je sais pas qui c'est, il s'appelle Thibaut Vallée. Ok. D'accord. Donc lui, déjà, je vais le refoutre dehors. Je lui coupe les vivres. Aïe, aïe, aïe. Et puis, tiens, on est en direct, jusqu'à 20h30. Et puis, vu qu'on est des mecs sympas, on s'envoie à 10 secondes de la musique de l'ascenseur de GoldenEye 64. Joli. Voilà, point trop d'infos. Mais moi, je l'aimais bien, cette séquence. Oui, non, oui. Franchement. Oui, c'était rigolo. Et justement, on va parler rétro gaming avec nos invités, les RGB. Et pour ça, on va se mettre justement la bande-son de GoldenEye 64. Parce que moi, elle me retourne la tête. Et d'ailleurs, j'ai envoyé un petit message à Tagazu cet après-midi. Je suis très déçu que la Retron 5 fasse pas la 64. Oui, mais alors, si tu te rappelles, le hardware, c'était quand même du costaud. Puisque à l'époque, ça concurrençait quand même la PlayStation de l'autre côté. Donc voilà, je pense que pour faire du hardware avec... pour émuler de la 64, il va falloir une belle machine quand même. Et peut-être avec la Retron 6. Voilà, peut-être. Ouais. Je lui ai dit, je lui ai tout de suite répondu, peut-être la Retron 6. Attends, j'ai déjà acheté deux Retron 5, plus une Retron 3. On va calmer un petit peu le jeu là pour l'instant. Donc en gros, pour les auditeurs, je pense que La Voix du Geek, c'est la seule radio où le gars il est dans sa voiture et il entend ça quoi. C'est clair. La musique de Facility dans GoldenEye 64, quand même, c'est un truc de ouf. On t'embrasse, merci à toi de nous écouter en bagnole. Donc voilà, les RGB. Alors juste avant, on va parler de la Retron 5 vite fait pour les auditeurs. C'est une console en gros qui lit tous les, enfin tout, bah non, a priori non, mais qui lit les anciens jeux. Game Boy, Game Boy Advance, Game Boy Color, NES, Super NES, Genesis, Famicom, Mega Drive, et même avec un adaptateur, on peut Master System. Et ça fait aussi réchauffe pizza. Ouais, réchauffe pizza. Et non, mais ce qui est assez chouette au final, c'est qu'elle sort en HDMI. C'est voilà, ça. Avec plusieurs filtres intérêt. Pour l'image. Voilà. Pour le modique prix de 150€. Voilà. Bon, ça va, c'est correct. Justement, et c'est là où vous allez vous dire, mais mon Dieu, l'infernal, d'où vient cette énergie comme ça? Eh ben, j'étais dans une brocante vendredi matin et j'ai vu une Super Nintendo. Attention, Tagazu va tomber dans les vapes. À ton avis, combien la vendait le gars? Avec la boîte. Cher. Oh, la boîte. Avec la boîte. Ça dépend quelle édition. Attention. Je sais pas. Estimation Rétro Gamer de Bordeaux, s'il vous plaît. 120 euros. Plus. 200. Moi, le mec, il se touche, il a vend 400, 500. Ouais, voilà, c'est ça. 200. Un peu moins, quand même. Un petit peu plus de 200. 240. 210. 230. 220. Juste pris, c'est vrai. 220. Je repars avec une tringle à rideau. Nickel, tu repars avec un superbe panier garni. Je gagne même pas la console, quoi. Ouais, le gars, il a vendé 220 balles, quoi. Dans le... Je sais plus. Il y avait le polystyrène au moins. Pour il y avait la boîte. Ça se trouve la boîte était vide en vrai. Ouais, c'est ça. Le souci c'est que c'est dans un vide-grenier, c'est pas dans un cache ou voilà où il pourra revenir le lendemain au magasin si elle marche pas. Voilà, c'est ça. C'est ça. Mmh. C'est que alors le gars tiens, aura disparu. Avec la garantie d'un an, on est. Voilà. Il y a quelqu'un sur le chat qui s'appelle Priapisme 33. Voilà, joli. J'aime beaucoup son. Alors qu'est-ce que le Priapisme Il est un petit peu tendu, je pense. C'est une figure géométrique. Alors tout le monde gueule hein. À ce prix-là, j'espère qu'il a des actions chez Vaseline. Non, mais moi je sais pas non plus. Mais je sais pas si c'était pas Tagazu qui était déguisé en fait. Il a voulu filer du vrai. Nintendo une petite revente 240 balles. Non, j'étais au Stunfest, Non mais c'était un vieux en plus hein. Ah ouais. Ouais, ça, comme moi. Ça c'est gentil ça. Dire, hein, c'est gentil, bam. Voilà. Alors tiens, présentez-vous un petit peu. Qu'est-ce que vous faites là? Alors partagez-vous le micro, il faut bien que tu parles dedans, sinon on ne t'entend pas. C'est bon. C'est bon. Bon alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je suis le fondateur des Retro Gamers de Bordeaux. Donc on trouve aujourd'hui sur Facebook Retro Gamers de Bordeaux, tout simplement. C'est une page que j'ai créée à l'origine pour partager la passion que j'avais pour les vieux jeux. Donc c'est parti complètement comme ça par hasard pour créer un groupe, pour rencontrer des gens. Et puis ça a pris de l'ampleur, petit à petit on a rencontré des gens qui étaient importants dans le milieu du jeu vidéo sur Bordeaux. On a rencontré Tagazu, Strider, la Pascal qui participent au objet. Voilà, déjà ouais. Important ça. Voilà. Non, merci, mais voilà, des gens qui nous ont mis le prix à l'étrier, qui nous ont fait participer à des événements. La semaine dernière, où il y a 15 jours, on était au BGF, on a pu faire une conférence sur le rétro gaming. Donc, ah bien. Première conférence devant du monde, donc ça faisait plaisir. Et puis voilà, là on est en train de passer association, donc on a déposé le nom, on a posé les statuts, et puis il y a plus qu'à finaliser tout ça. Bon, voilà, cool. Pour la petite histoire. En fait, ça s'est construit petit à petit, quoi. Moi, je suis arrivé dans le groupe juste parce que j'avais une Dreamcast à vendre. Et je l'ai vendu à Xavier, si t'es dans les parages, à salut. Et au final, les gens se sont mis à se rencontrer, à partager, à discuter, à faire des petites soirées. Chez Chris, la caractéristique un peu des rétro gamers, c'est que vous faites des soirées IRL. C'est ça. En vrai. C'est ça. On s'invite chez Chris. À l'ancienne. Parce qu'on on est quand même là ce soir avec Racco, mais il faut pas oublier, il y a deux administrateurs qui n'ont pas pu venir, c'est Fab et Chris qui nous filent un sacré coup de main sur la page, qui modèrent tout ce qui peut arriver sur la page, les nouveaux admins, tout ça. Donc des petites dédicaces à eux en passage. Ils sont sur le chat. Alors il y a Pierre, je pense que ça vous parle. Ouais, Pierre. Notre modeur principal. Et il te dit Chris, calme-toi. Ah non, il dit à Chris de se calmer. Ah, pas de se calmer. Mais tout le monde dit à Chris de se calmer. Bon Chris, calme-toi. Voilà, c'est ça. Yes, et on va parler rétro gaming. Clairement, on va faire un tour de table. Bon alors Tagazu, j'ai amené du matos. Ouais, carrément. J'ai amené du matos. Ouais. Tagazu et Kogu, je pense que le premier jeu auquel ils ont joué, la souris, c'était un galet, tu vois. Oh, c'est sûr. Sûr, c'était des noirs et blancs déjà. Pour l'anecdote, moi c'était un potentiomètre. Ah oh, joli. Eh ouais. C'était voilà, pour jouer à Pong, donc la petite manette, le potentiomètre, le rond qu'on tourne à droite à gauche. Putain. Pour faire bouger le voilà là. Cette rajout. Là on est dans le collector là. Absolument. Et d'ailleurs, c'est un des premiers jeux vidéo Tennis for Two était sur c'était un oscilloscope. Voilà. Ouais, carrément, c'est le tout premier jeu de l'histoire, c'est pas Pong, on fait souvent la. Et donc en console, c'est quoi par exemple? En console, c'était une console de salon en ronce de noyer et c'était une Atari. Ah joli. En ronce de noyer, il y avait en guise de manette deux potentiomètres. Ça faisait classe dans le salon. Et il y avait quoi comme jeu dessus? Moi je crois c'était à mon père et voilà. Et moi je n'ai retrouvé que la non, c'était même pas une cassette puisque Pong était dedans, était intégré à la console. Ah Pong, mon dieu, des graphismes de toute beauté. Allez Taga, toi c'est quoi? Moi fanboy Nintendo, c'est la NES. Non, oui, c'est la NES. Je l'ai attendu un été, voilà, je m'emmerdais et j'ai demandé une console au Père Noël et je l'ai eu que 6 mois après, donc c'est pas frustration. Mais c'est le Père Noël, c'est le Père Noël de l'été, c'est ça. Non, Super Mario Bros. Avec Super Mario. Ah oui, voilà. Et ma grand-mère, pour la petite anecdote, l'a fait tour de fois. L'a fini deux fois. Voilà. Et donc moi je comprenais pas pourquoi elle était si forte. D'où peut-être, je suis devenu un gamer à cause de ça. Cette frustration de voir ma grand-mère être plus forte que moi aux jeux vidéo. Mais t'imagines, c'est du propre. Voilà. Ouais. Ma console préférée, la Super Nintendo, voilà. Yes, mais on va en parler. 100% aussi. Nintendo, ça. Ouais. Ah oui, c'est vrai que t'as gazou pour ça. Dandy, toi, ta première expérience vidéoludique. Alors, j'ai découvert les jeux vidéo chez mon cousin avec Super Mario World 3. Non, Super Mario Land, pardon. Sur la NES, la ouais. Super NES, pardon. Et je voyais un petit World, pardon, pas Land. Land, c'est Game Boy. Super Mario Bros. Oh, je sais plus, il y en a trop des Mario, ils font c'est celui où il a la queue de raton laveur. Voilà, c'est ça. La petite cape jaune, ouais. C'est ça. Et donc là, gosse, devant la télé, j'étais un peu ébahi. Je me disais, putain, merde, tu sautes sur des tortues. Je comprends. Je me dis, mais c'est un truc de fou. Puis tu sais, tu perds quand t'es gosse parce que t'es con, tu comprends pas. Puis au fur et à mesure, tu apprends et tout. Et ma première console que j'ai eue de salon, mes parents me l'ont offert. Et dis-toi, hyper jeune, j'avais 6 ans. Ben, moi, ça a été la Super Mega Drive, la Mega Drive. La Sega Mega Drive. J'ai passé des heures où j'ai kiffé Street of Rage. Truc de malade, ouais, oui. Excellent jeu. Et t'as des restes un peu de Street of Rage. Hein. Ah ouais, grave. T'aimes bien le style un peu. Rétro, ouais. Ah ouais, grave. Et j'ai pété un câble sur Revenge of Shinobi qui m'a fait juste péter un plomb. Très, très dur. Je l'ai fini, mais pas avec la bonne fin, mais putain, dans le sang et les larmes quoi. Yes. Très dur. Et vous, du coup, chez l'RGB, première expérience vidéoludique ? Moi, la première expérience, c'était sur le Mega Drive à ma sœur, parce que moi, j'étais trop jeune pour avoir une console à l'époque. Ma sœur, on a 7 ans d'écart, donc elle était un peu plus vieille. Donc, Mega Drive avec Sonic, le grand classique, et surtout Aladdin. Qu'est-ce que j'ai pu kiffer ce jeu. Il est hallucinant. Aujourd'hui, quoi. Je suis capable de le relancer, de me le faire dans la foulée, quoi. Ah, c'est, pour moi, ça reste... le top du top sur le Mega Drive. Je trouve qu'il a pas vieilli, c'est un jeu. Oui, bah, il était déjà très beau. Il était déjà très beau. Il était très coloré. Sur Super NES, il a vieilli. Ouais, sur Super NES, c'est vrai. Il est beaucoup moins bon sur Super NES. Ouais, qui avait deux versions qui étaient différentes. Un jeu sur Super NES et Mega Drive. Rien que les musiques sur Super NES sont dégueulasses, quoi. Comparé à la version Mega Drive, ça n'a rien à voir. Moi, je l'avais fait sur Game Gear. D'accord. Et tu fais un niveau, t'as plus de piles déjà. Quoi. Voilà. mais grave. Et toi, du coup ? Moi, ma première expérience était Street Fighter 2 en arcade en Espagne. Et je devais avoir 4 ou 5 ans, je crois. Je suis né en 86. La bagarre. Voilà, c'est ça. Jeu de baston énorme. Et un jour, je jouais pas aux jeux vidéo, gosse. Et un jour, ma mère m'a dit : « Est-ce que tu veux, je t'amène t'acheter une console ? » C'est marrant que ça soit une initiative des parents. Mais c'est souvent ça, j'ai l'impression. Ma mère m'a mis dans le jeu vidéo, quoi. Et elle m'a amené m'acheter. Ma NES. Yes. Voilà. Donc j'ai commencé avec une NES édition Super Mario Bros. Bien, monsieur. Ouais. Et quelques jours après, mon parrain m'a donné son Atari 2600 VCS. Donc j'ai commencé avec ces deux-là et avec ma sœur. Voilà. Yes. Mais je pense qu'après les parents ils regrettent parce qu'au début ils disent putain merde, je l'ai mis dans un truc là. C'est ça. Après quand ils nous voient aujourd'hui passer 20 ans, putain, il a encore ses vieilles consoles, c'est ouais, jamais grave. Dû qu'est-ce que j'ai ça, foutu quoi. Putain. Mais carrément, ça réagit beaucoup sur le chat. Je vais lire vos messages. Moi, du coup, c'était pareil. C'était chez, je crois que mes parents, on avait été invités à manger chez des amis et qui avait un peu de la thune. Et le gamin, je sais pas quand. Il avait une Neo Geo. Je suis dans 82. Elle est sortie en quelle année la NES? 83. Ouais, putain, j'ai dû l'avoir. Moi, j'ai eu le bundle avec Tortue Ninja. Ouais. Je vous explique pas l'angoisse. Et après, pour Noël, mon tonton, il m'avait offert Bayou Billy, mon pote. Bayou Billy. Que deux putains de jeux que personne n'a jamais terminé tellement c'est chaud, quoi. Et moi, je me suis construit là-dessus, quoi. On est beaucoup à s'être construit sur le premier niveau des Tortues Ninja. Oui, non, mais clairement. Voilà. Alors, le truc, c'est que jamais vu le deuxième niveau. Non, j'étais arrivé jusqu'au moment où tu conduis le camion. Et j'avais jamais trouvé la sortie, en fait. Tu vois la carte du dessus. Ouais. Et impossible de trouver. Tu fais rouler dessus au bout d'un moment. Ouais. Impossible. Alors sur le chat, ça réagit beaucoup. Ça nous dit il y a de l'Amiga A600. Putain. Le vent que ça a mis, quoi. Non, mais moi j'étais Atari ST, tu vois. Donc c'est pareil. Il y a plus vieux que ta gazou. Voilà. C'est pas possible. Plus vieux que moi. Alors on nous dit Tagazou Zouzou, pousse la nana, c'est moule café. Oh putain, on l'a fait tout le temps. Tagazok aussi, parce qu'apparemment dans les donjons de Nalbuk. Les nains disent Tagazok pour se dire bonjour. Oh, donc, classe. Voilà, on nous dit de la Master System 2, Alex Kidd. Ah ouais. Oh. Il était directement dedans déjà. Énorme. Et ouais, Alex Kidd qui était pas évident non plus quand même, dans mon souvenir. Oui, les chiffres. Bon, après, tu me diras, on avait 5 ans. C'était un peu en mode random. Ah oui, c'est vrai. Tiens, ils en parlent justement. Ils disent battre les boss au Shifumi. Voilà, au Shifumi, c'était n'importe quoi. C'est ça. C'est quand même les boss les plus pourris de l'histoire du jeu vidéo, quoi. C'est random. Hein, t'arrives, le gars, c'est un gros méchant de dingue, et Shifumi. Tu bats Pierre Feuille Ciseaux, quoi. Oui, le premier c'était une main. Oui, carrément, un gant de, on aurait dit un gant de baseball un peu, une main chelou. On nous dit la Mega Drive, best console ever. Ouais. Oh, c'est Calan, c'est Calan. C'est pas Chris ça? Ouais, c'est ça, ouais, c'est Calan. Ouais, c'est pas polluer le chat. Hein. Non, la Mega Drive, franchement, la Mega Drive, c'est vrai que c'est bien. Pour l'époque, c'était. J'ai jamais eu de console Sega, moi j'y jouais toujours chez des copains à l'époque. Moi, je reconnais que la Mega Drive avait un super son parce qu'elle avait un chip. Ouais. Oui. Même, enfin, voilà, même au en termes de graphisme, quoi. Et bon, aussi rapidité. Rapidité. C'est pour ça que Sonic aurait jamais pu tourner sur Super Nintendo. Bon, enfin, la Super Nintendo avait le mode en 60 Hz alors. Avec des zooms. Eh oui. Voilà. Toi, des deux côtés, il y avait un truc. Voilà, quoi. Ouais, ouais, le Super Nintendo zoom. Voilà. Parce que tu vois, je me rappelle les scènes de baston dans Street of Rage où t'as quand même des fois pas mal d'ennemis qui arrivent. Bim bam boum, tu joues à deux, il y en a partout. Et sur Super NES, Fatal Fury. Certains jeux, quand t'as trop de trucs à l'écran, tu vois un peu les frames qui clignotent. Ah ouais. Enfin, tu sens que la console, c'est pas pareil. Mais je pense que moi, dans ma la tête, Mega il Drive semblait qu'elle était plus puissante, la Super Nintendo. Quand même. Ah. Que la Mega Drive sortie quoi deux ans avant. Le truc, c'est qu'il y a toujours eu. Enfin, je sais pas. Mais vu de l'extérieur, rien que la couleur, tu vois, la Mega Drive était noire. Sega, ça a toujours été plus adulte. Rien que leur campagne de pub, Sega, c'est plus fort que toi. Sega, c'est plus fort que toi. Alors que ça a toujours été un peu édulcoré chez Nintendo, quoi. Mais il me semble, non, il me semble, j'ai corrigé le truc. Je crois que je dis ça parce que j'en ai un souvenir. La Mega Drive me semble plus puissante parce qu'il y avait une histoire avec Sonic où Sonic, les jeux devaient aller hyper vite à donf et que le défilement d'écran devait passer comme un truc de ouf. Et je crois que par rapport à ça, la Mega Drive a été pensée plus puissante. Ah, je me rappelle, elle est partie de Sonic. C'est juste, voilà. Elle avait été pour l'animation, là. Elle avait été parce que je suis pas sûr qu'un, Donkey Kong Country, on aurait pu mettre 60 Hz, ça joue beaucoup aussi, ouais. Tiens, sur le chat, on nous dit, alors attends, c'est Ratmourt, la première Xbox avec Halo. Ah oui, c'est excellent, le premier. Et puis il y a eShock qui nous dit les Game & Watch, est-ce que ça fait partie des jeux vidéo ou est-ce que c'est considéré comme un jeu électronique? Moi j'ai plus jeu électronique. Ah moi je suis sur mais avant les pubs pour les premières consoles c'était toujours des pubs pour jeux électroniques quoi. Ouais, avant, ouais. la NES c'était des jeux c'est l'ancêtre de la 3DS quoi. Ah ouais. Ah bah si clairement le double écran et tout le problème des Game & Watch c'est que c'était un jeu. Et oui, c'est ça, c'était des consoles dédiées. Voilà. Mais ça fait une sacrée collection. Hein. Nous, on a un Jérôme qui est sur le groupe, qui est un gros fan des Game & Watch. Très belles pièces. Ouais, ça fait des sacrées pièces. J'en ai pas amené moi. D'ailleurs, j'ai amené des belles petites pièces. Voilà, on va les décrire pour les auditeurs. On nous dit sur le chat le Mickey Castle of Illusion. Ouais, sur Mega Drive, ouais. C'est un des meilleurs jeux de plateforme. Et suivant la difficulté, on avait plus ou moins de niveau. Si on le met en mode facile, on arrivait de suite, enfin en 3-4 niveaux au niveau de la boss finale. Alors que si on était en mode difficile, ça rajoutait des mondes sur ce jeu-là. Mais alors, c'est bien parce que ça rappelle des souvenirs à tout le monde, quoi. Là, vous parlez beaucoup de la bataille Super Nintendo Mega Drive. Ouais. Mais au final, voilà, c'était. Il n'y a pas de bataille chez nous à part Chris qui bataille. Oui, voilà, mais c'est un peu. Votre groupe est fondé sur ça, la nostalgie, un petit la madeleine de Proust en reprenant une manette. Je vois des étoiles dans les yeux des fois de joueurs sur les stands, que ça soit au BGF ou. Et ça, moi, je trouve ça fait plaisir. Des souvenirs d'antan. Mais c'est ça. Et le truc, c'est que voilà, c'est lié clairement à notre génération. J'ai l'impression c'était un peu les prémices du jeu vidéo et voilà, nous ça nous ramène à l'enfance. Moi j'ai des souvenirs de manger des sacs entiers de Dragibus en jouant à la Nintendo 64, tu vois, ça rappelle des devant moments. La télé, tu vois, là Kogu, il y a même pas 30 secondes il a pris Sunset Rider donc sur Mega Drive qui est sur la table et fait oh celui-là en borne d'arcade, mais c'était génial. Alors justement, on en a pas parlé mais on va parler des bornes d'arcade juste après. On nous parle beaucoup de Wonder Boy. Oui. Ouais, ouais. C'était pas mal. Calan, ça encore. Ouais. Wonder Boy, alors je me rappelle plus de son nom, mais il y avait un Donald aussi sur Mega Drive. Quackshot, voilà. Avec un pistolet ventouse. Ouais. La musique aussi. Ah, c'est mon jeu de plateforme préféré sur Mega Drive, celui-là. Alors, tiens, on nous demande. Ah, je préfère la On nous demande qu'est-ce que c'est que Bayou Billy. Quelqu'un veut nous raconter un petit peu le pitch de Bayou Billy? Le meilleur jeu alors, de la NES. Bayou Billy, si je me rappelle bien, ça a été une pauvre pâle copie d'un Indiana, à la fois d'un Indiana Jones et de Crocodile Dundee. Voilà, c'était un petit peu pour surfer sur la vague du premier film Crocodile Dundee, ouais. Absolument. Et donc, le gars, il était perdu dans le Bayou, donc entouré de crocodiles, de contrebandiers. La totale. Et quand tu tuais tuer les oiseaux, ils se transforment en poulet rôti, quoi. C'est ça, ouais, c'est vrai. Ouais. Ça. Et il me semblait qu'il y avait deux phases de gameplay, c'est ça, si je me... Oui, alors ouais, il y en avait une en écran. En scrolling horizontal, déplacement de gauche vers la droite. Et une autre en mode 7 où tu conduisais une Jeep. Et je pense que tout le monde est resté bloqué à ce putain de niveau et que personne a vu le boss de fin. Parce qu'il était incroyablement dur, quoi. Et surtout injouable. Mais de toute façon, à l'époque, c'était la génération des jeux qu'on commençait, qu'on finissait jamais. À table! Mais maman! Voilà. Attends, je cherche la sauvegarde. Et tu revenais, il s'était passé 2 mois, quoi. Ouais, non, mais grave. Tiens, on en a pas parlé. Eiki, toi, premier. Alors, ma première console, j'ai eu la toute première Game Boy. Mais elle était plus à mon frère. Et après, moi, j'ai eu, comme première console, la Nintendo 64. On avait une Sega aussi, mais elle était pas à nous, je crois. J'ai des très brefs souvenirs de la Sega. Je crois que... Je sais plus à quelle c'était. C'était assez pixelisé. Et ouais, sauf que moi, elle était blanche, la mienne. Et ça, bizarre. Voilà. Et du coup, ma première console avec mon premier jeu, c'était la Nintendo 64 avec Super Smash Bros. D'où ton amour pour la licence. Ouais. Et je l'ai fait... Bah, tout au long de ma vie, en fait, j'ai joué à Smash Bros au final. Ça a vraiment... À Smash Bros et à Zelda. C'est les deux. Voilà. Alors tiens, on nous dit, on nous en parle là. Il y a Ishok et Sgrog qui nous parlent du bazooka de la Super NES. Est-ce que vous pouvez nous en parler? C'était déjà des précurseurs avec le Wii Zapper. Non, c'était comment? Le Zapper. La Wii à l'époque. Alors c'était quoi ce bazooka de Super NES pour les auditeurs? C'était une daube infâme. Voilà, c'est-à-dire que ça réagissait à la lumière. Clairement, ça marche pas sur nos écrans plats. Ah non, faut absolument un tube cathodique comme le Zapper, quoi. C'est pour ça la réponse. N'y pense même pas à jouer avec. Clairement. Ouais. C'était le cadeau hype à l'époque, quoi. Le gros bazooka pour jouer, et aujourd'hui ça prend. C'est comme une place monstre. Mon Saint Graal en vide-grenier, si un jour je le trouve, merci les dieux du vide-grenier. Ratisseur. Rob, le robot, je sais pas si c'est le robot. C'est vrai, non? Là, je saute dessus la première émission. Rob avec Gyromite. Parce que c'était dans l'édition Deluxe qui coûtait horriblement cher à l'époque. Je sais pas si vous en souvenez. Du coup, en fait, il servait à jouer avec toi. Et là, j'y ai joué. Et enfin, j'ai joué chez un copain qui le possède. Et c'est de la merde. Ça sert à rien. Il empile des pièces. Tu déplaces des disques comme ça. Et la pub, ça te mettait hyper la hype. T'étais là, waouh, c'est génial. Et en fait, en y jouant, tu dis, ah bah, c'était nul. Ah, mais c'était un jeu, parce que moi, je croyais que c'était, tu sais, cette petite statue d'Europe. Non, il y avait des jeux dessus. Il y avait Jérôme. Parce que c'était pas censé être un robot qui jouait avec toi. Normalement. Voilà, c'est un robot qui faisait tourner une sorte de voilà, disque. Il faisait tourner un disque, il les mettait, il les entassait les uns sur les autres. Et au final, il n'y a rien, quoi. Tu joues pas avec le robot, il joue tout seul. Et est-ce que tu as l'espèce de casque qu'ils avaient sorti aussi pour. C'était de la 3D isométrique. Le Virtual Boy. Voilà, Alors, je peux vous en parler parce que je l'ai essayé à Tokyo. Ah, oui. C'est immonde, mais il est quand même sorti dans les années 80. Oui, c'est ça fait gerber un peu, mais alors, sinon, c'est un peu ouf. Carrément gerbé. Le truc, c'est. Alors, je te donnerai une adresse si tu veux l'essayer, poulet, vu que tu pars au Japon dans quelques semaines. Le truc, c'est que c'est noir et rouge. Ouais. En gros, tout est noir et les traits des niveaux. J'ai essayé un niveau de Mario. Il faut imaginer tous les sprites de Mario en rouge, mais rouge sang, quoi. Rouge, c'est agressif. Hein. Et franchement, t'es pas bien, quoi. Mais tu vois, il y avait déjà de l'idée. Et en gros, il y avait un espèce de jeu d'avion où t'avançais. En fait, en gros, comme quand dans Star Wars, ils vont sur l'étoile noire et qu'ils descendent dans un espèce de couloir qui allait très vite. Et faut imaginer des polygones qui arrivaient vers nous. Et puis on voit également l'évolution qu'il y a eu, c'est que nous aujourd'hui, le casque, on le met sur la tête, on le pose, il nous encercle bien le crâne. À l'époque, c'était monté sur trépied. Carrément. C'était à toi à te mettre à la hauteur du casque. En fait, tu regardes dedans comme dans un périscope, en gros. Ouais, c'était comme si tu mettais un masque de plongée, en gros. Et c'est là justement, et c'est quelque chose que je disais régulièrement dans les émissions, mais c'est là où on voit que Nintendo, en fait, ils ont eu les idées, mais toujours en avance. Oui, parce qu'au final, le casque de réalité virtuelle qu'il y a aujourd'hui, c'était les prémices, le Virtual Boy. Le système qu'ils avaient aussi avec le Wii Zapper, le Super Scope, c'est ce qu'on a retrouvé avec la Wii à l'époque. La Wiimote, le côté, même la 6-axis aujourd'hui de la PS4, ça a été par rapport à une idée de développement de Nintendo. Alors, on nous dit sur le chat que le Zapper, le Light Phaser existait déjà sur Master System. Ouais. Oui, je le vois, il est noir et orange. Noir tout court. Orange, oui. Noir tout court. Le Light Phaser, c'est Master System. Après, le gun Nintendo, je sais plus comment il s'appelle, qui était blanc, le gun blanc gris et rouge. C'était le Nintendo Scope, normalement. Non, le Super Scope, c'est le gros machin. Ah, c'était le bazooka. Ouais, c'est le zapper. T'imagines l'angoisse, le bazooka devant ta télé. C'est ça. Mais sinon, pour un jeu pourri en plus. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de Nintendo, avant de faire des jeux vidéo, ils faisaient des jouets. Et à l'époque où ils faisaient des jouets, ils avaient déjà inventé le système qui existait avec Duck Hunt. On avait un petit cowboy au loin et on avait un pistolet dans la main, c'était deux jouets et rien n'était relié, c'est juste que quand tu tirais avec le gun sur le cowboy, il recevait un faisceau lumineux et qui faisait que il se prenait un shoot et il faisait putain, j'aimerais trop l'avoir donc chez en fait, moi ça. On, là ouais, aussi tu vois ça et va c'est coûter un truc, une blinde. C'est un truc qui date des années 70 je crois. Ça date des années 70 et les mecs à l'époque, ils avaient déjà dans la tête quelque part le principe de dire on pourra jouer à distance, tu vois. Carrément. Ils faisaient aussi des Love Hotel et des numéros. Oui, et ils faisaient des céréales, de la bouffe et tout. Carrément. Cool. Sur le chat, on nous dit, alors attends, faut que je retrouve, c'est bien ça, Pierre, c'est ta super potato à Akihabara, exactement, où il y a un ah, mais t'inquiète pas, je vais bien y aller, ouais. Alors il y a Bibine qui nous fait, qui a connu Michael Jackson sur Mega Drive, c'était putain de la merde. Le mec se transformait en voiture. Ouais, c'est vrai. C'est ouais. Pas mal. Enfin, bah, moi, je comme dans la vraie vie. Je comprends pas. Ah, c'est Michael. Un transformeur. D'ailleurs, après ça, il était censé être dans un Sonic et à cause des affaires qu'il y a eu avec Michael Jackson, il a plus jamais. Oui, c'est vrai. Fait il devait faire la musique. Ouais. Plus exactement. Il faut savoir que moi, c'est un peu Stunfest. J'en viens d'un festival où, on met de la chiptune à l'honneur. Mais il y a des concerts au Japon où ils font passer les versions Mega Drive du jeu Moonwalker de Michael Jackson. De la part de mecs qui écoutent des concerts Splatoon. Voilà. Ouais, pour te dire que voilà, c'est quand même resté, même si ça a son charme, la musique de Michael en 16 même bits. Sur console. Même sur console. Carrément. Mais ce qui est bien, c'est que quelque part, et vous me direz si je me trompe, mais dans le rétro gaming, même quelque part, les nanars de l'époque sont devenus cultes justement parce que c'était des nanars aussi. Et je pense que pour bien appréhender les jeux vidéo d'aujourd'hui, il a fallu qu'on passe à une certaine époque par des navets comme ça qui ont fait que. Le jeu préféré de Racco. C'est chaque fou, c'est ça. Chaque fou. Ouais. Chaque fou. C'est vrai. Oh, putain. Alors attendez. De Shaquille O'Neal. De toute façon, ce soir, on avait prévu de déborder un petit peu parce qu'il est 20h. On va s'écouter le Scud. On en parlera juste après parce que oui, chaque fou, il y a du dos. Et puis j'ai envie qu'on parle un petit peu aussi des bornes d'arcade et des salles d'arcade parce que pour beaucoup, ils ont découvert le jeu vidéo comme ça, à coup de pièces de 10 francs. Ah ouais, et moi j'ai été imbattable à Sega Rally 2 en borne d'arcade. J'ai cru que t'allais dire Sega Rally 1, là tu m'aurais fait plaisir là. Ah, on va trouver une borne, on va y aller. Franchement, on va se faire ça. On se fait ça, on s'écoute le Scud et puis on en reparle juste après. Ça marche. Allez les 20h, vous écoutez toujours La Voix du Geek et nous on revient juste après A Tribe Called Red. Vous écoutez Eau de Radio. Vous écoutez Eau de Radio. Vous écoutez sur 91.3. 91.3. La voix du geek, l'émission 100% jeux vidéo sur O2 Radio. Allez, décidément, la dame est très contente de nous entendre. Oui. Allez, on est de retour toujours en direct sur O2 Radio 411.3 en Aquitaine et sur O2Radio.net pour le reste de la Gaule. On est toujours en live aussi sur Twitch, twitch.tv/lavoixdugeek. Il y a déjà du monde qui rejoint la communauté des RGB. Il y a votre pote qui est en train d'accepter les trucs. Mais il a raison qu'il continue. C'est les portes ouvertes ce soir. Et puis tiens, un gros big up à John qui nous écoute, qui fait « Je vous écoute nu depuis mon canapé, vous êtes tellement beau même à la radio, je vous aime les poulets, continuez à nous faire rire. » Je me sens sale. Dans un instant, le test d'Uncharted 4, mais avant on va continuer à parler un petit peu rétro gaming. Mais juste avant, tiens, on va se mettre la bande-son, comme tout à l'heure, de GoldenEye, parce qu'elle est quand même assez culte. On va parler des bornes d'arcade, mais juste avant, je crois qu'il y a Mike Horn qui doit passer et il a des nouvelles de Nathan Drake. Oui. Allô. C'est en direct, hein? Oui. Salut, bande de cons. Je suis Mike Horn de l'émission The Iceland M6. Apparemment, vous allez parler de Uncharted 4 tout à l'heure. Ouais, c'est prévu. Alors, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, hein. Nathan a eu un petit problème, là, c'est assez grave. Hein. Ah merde, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il s'est fait? Hier soir, on était tranquillement en train de boire un lait de coco tranquille dans un bar à Porto Rico. Mm-hmm. Et on s'est endormi sur la plage, complètement bourré. Hein. Ouais. Et ce matin, Nathan, il allait pas bien. Hein. Déjà, il se lève, il avait du sable plein les oreilles et les orifices. Ouais. Et en plus, il boitait un petit peu de l'arrière. Ah. Et en fait, il m'a demandé de regarder. Et en fait, le pauvre Nathan, je crois qu'il y a un Bernard l'ermite qui a fait sa cabane dans son... Comment vous dites chez vous la France? Le trou à caca. Son trou du cul. Le cou. Voilà. L'escrotte. L'escrotte. Je crois que Nathan Zek a Bernard l'ermite dans les fesses. Allez, je vous laisse, bande de cons. Bisous. Je retourne sur l'île d'M6, faut que je mange les filles. Bon, ça faisait longtemps qu'il était pas venu. Vous avez manqué. Bon, ouais. Apparemment, Nathan, il va pas très bien. Non, bah, il peut plus s'asseoir. Il boite un peu de l'arrière, comme on dit dans le jargon. Alors, les bornes d'arcade, parlons-en, tiens, parce qu'il y a beaucoup de... Je crois qu'avant, on devait parler de chaque fou. Ah oui, c'est vrai. Parce que ça, je suis désolé, on peut pas passer à côté. Alors, de ça. Chaque fou, qu'est-ce que c'est pour les auditeurs, chaque fou? C'est un jeu qui est devenu culte, et pendant un temps, il parlait même de faire une réédition de ça, non? On l'attend toujours. C'est vrai? Moi, j'ai pas suivi pour la réédition. Et si, il semble si. Que c'est toujours en travaux. Chaque fou, c'est un c'est, jeu. C'est le bon avec, terme en travaux. Comment? C'est le bon terme en travaux. Ouais. C'est un jeu avec Shaquille O'Neal, la star du basket qui louche. Des un années peu. 90. Voilà, ouais. C'est ça. On était tous fans de lui et de Michael Jordan à l'époque. C'est de mémoire, je l'ai, mais ça fait longtemps que je l'ai pas lancé. De mémoire, c'est une espèce de beat 'em all. Comme un Street Fighter. Comme en fait. Un Street Fighter. C'est oui, c'est un jeu de combat. Un beat 'em up alors. Voilà. Voilà, donc, mais d'une qualité très très médiocre, mais qui s'est quand même vendu par palette à l'époque. Mais qui était hyper dur surtout. Ouais, voilà. Enfin, Shaquille O'Neal était très vendeur. Je pense que le premier jeu qu'on peut trouver aujourd'hui sur Mega Drive pour pas cher, c'est ce jeu-là. Oui, voilà. Ah, il est pas devenu genre introuvable. Non, c'est un nanar, mais bon. Voilà. Je vais nous voir là. Ouais, faut quand même pas déconner, quoi. Dis-toi par contre, il y a des anecdotes comme le E.T., le fameux E.T. qui a été enterré. Ça sent mauvais. C'est plus une anecdote. Voilà, c'est plus une anecdote. Alors, c'était une légende urbaine. Est-ce que justement quelqu'un veut nous raconter cette anecdote du jeu E.T.? Bah, Tagazu, t'étais bien parti. Oui, dessus, j'étais bien parti. Vas-y. En fait, E.T., voilà, t'y as joué peut-être Kogu quand t'étais oui, jeune. Aussi. Était le jeu sorti pour le film. Exactement. À l'époque, E.T. En 82, il est sorti. Donc, voilà. Et il était très, très, très mauvais. Oui. Il était tellement mauvais qu'il y avait une légende qui, voilà. Qui planait au-dessus du jeu. Comme quoi ils auraient enterré des palettes entières de jeux. Alors, jeu. C'est pas du tout une légende. Des titres ont été retrouvés dans le désert du... Mais fallait le dire après, ça. Ah, c'est pas il grave. A cassé la news. Mais ouais. Il a cassé... Niquez la chute, là. Mais voilà. Et en fait, cette légende, c'était partout. Et en fait, ils ont retrouvé par palette entière. Enfin, il y a des gars qui sont allés essayer d'éterrer et ils ont retrouvé effectivement des E.T. De Spielberg qui avaient vraiment été enterrés. Et ouais, parce qu'ils ont... parce qu'ils savaient pas où les jeter au final du coup. Bah oui, parce qu'au niveau de la com, voilà, s'ils les jetaient dans les poubelles, c'était genre on a fait un jeu de merde et on essaye de le... Et c'était dans le désert de Gobi, je crois, un truc. Non, c'était au Nouveau-Mexique. Non, Nouveau-Mexique. Ah, au Nouveau-Mexique. Et... Ah bah oui, non mais carrément. Et voilà, ça a été une légende urbaine qui a plané pendant plus de 20 ans sur l'univers du jeu vidéo. Est-ce que c'était vrai? Parce que ce jeu a participé un petit peu au crash du jeu vidéo qu'il y a eu dans les années 80. Il y a eu une période où le jeu s'est cassé la gueule complètement. Ça ne marchait pas du tout. Ça a même eu des répercussions sur Wall Street et tout. C'était un truc de ouf. Non, mais, et tout le monde se demandait, est-ce qu'ils ont vraiment enterré ces jeux? Et il y a des mecs qui ont passé leur vie entière à les chercher dans le désert, quoi. Ils les ont retrouvés, ces cons. Et c'était vrai. Je sais pas, ou des passionnés, peut-être Kogu a l'information, qui est allé les chercher au Nouveau-Mexique. Nathan Drake, notamment. Je crois que comme il dit, c'est Microsoft. Qui a financé les recherches. Ah, voilà, c'était pour montrer. Mais c'est vrai qu'à l'époque, quand il y a eu le premier crash des jeux vidéo, Atari ne faisait pas, voilà, ne surveillait pas les jeux, la qualité des jeux vidéo qui étaient sur leur console. Ils donnaient aux éditeurs tiers. Et en fait, voilà, on a eu pas mal de jeux qui étaient très très nuls. Argent facile. Ce que Nintendo a bien su faire après, c'est-à-dire avec le Seal of Quality, voilà, ils surveillent. Non, ils surveillent même un peu trop des fois. Ils surveillent un peu trop, voilà, la qualité de leur jeu. Mais. Alors pour info et pour revenir sur Shaque Fu, comme la voix du geek, on se renseigne en temps réel. Voilà. Je vais vous donner la cote aujourd'hui du jeu. Ah. La cote est à 1,20€. Ah ouais, quand même. Oh, quand même. Je pense que c'est du lose. Je pense qu'on est sur du lose. On doit bien être à 3€ grand max. Boîte notice. Hein. Et dis-toi, ce jeu. J'étais gosse, j'avais même pas encore 10 ans. C'était mon cousin de Paris qui me l'avait offert pour mon anniversaire. Oh, le cadeau. J'étais quoi. Hyper content. Je me suis dit, yes, un jeu super. Ce jeu, je l'ai détesté. Il était hyper dur. Quand t'es gosse, mais enfin, c'est juste terrible. Hein, eh bien, écoute, on a retrouvé. Il est là. C'est ton cousin. Tu l'as pas revu depuis 25 ans. Apporte-moi le sabre pour te faire plaisir. Avec une Mega Drive et chaque fou. Putain. Non, bah, franchement, chaque fou, ça a été un putain de cauchemar. Allô, c'est E.T. Téléphone maison. Pourquoi il a l'accent anglais, ce con? Il faudrait venir m'aider. J'ai le bout du doigt voix qui pue. C'est pour ça qu'il cherche à joindre en fait sa maison. Il a le bout du doigt qui pue. Bon, on parlait un petit peu de bornes d'arcade. Ouais. Alors, ouais. Parce que moi, dans mon quartier où j'ai grandi, il n'y en avait pas des masses. On était obligé de tracer un peu dans la ville de Tours. Donc on prenait le bus et tout, c'était tout un bordel. Et il y en avait une chez Buffalo Grill aussi, une borne d'arcade avec le jeu de cow-boy. Vous vous rappelez de celui-là? Où c'était des vrais acteurs. Ah oui. Et en gros, t'avais un pistolet et genre tu tirais et l'acteur. Celui qu'il y a dans Retour vers le futur, le jeu. C'est peut-être ça. C'était des morceaux de film, Carrément. Et genre tu tirais, mais c'était l'alu quoi. T'hallucinais, tu tirais, le cowboy il tombait du toit, mon pote. C'était un truc de ouf. Moi je devais avoir 7-8 ans. Les pistolets étaient bleus et rouges. Exactement. C'est ça. Il y a eu une crise. C'est marrant parce que les seules bornes d'arcade auxquelles moi j'ai joué, enfant issu des années 90, c'était que des Metal Slug. J'ai jamais trouvé d'autres bornes d'arcade. Il y a une Crisis, attends, il y en a plein partout. Oui, c'est vrai. Non, franchement, moi, c'était que du Metal Slug. Bon. Bah, ça va. Ça dépend où tu habitais aussi. Hein. Parce que là, on parle, et je suis de la campagne. Excuse-moi d'avoir une enfance de merde, Dandy. Non, mais très bien. T'as une Crisis, ils étaient dans tous les cinés, ils étaient dans tous les trucs. Moi, j'étais un enfant de la province. On nous dit qu'il s'appelle Wild Gunman. Ah oui, et qu'il est toujours au Buffalo Grill de Mérignac, à l'étage. C'est vrai? Ouais, carrément. On nous dit ce jeu est toujours au Buffalo de Mérignac. Franchement, tu sais quoi? On ira voir. On fait une descente. On ira voir. Moi, je travaille pas loin, donc si à la limite, si on peut s'y retrouver, Et bien sûr, on se filme et on met ça après. Sans déconner. Quatre mecs arrivés pour demander où est votre borne Wildman. Mais on vient bien en cow-boy. Ah bah la base. Ah bah là-bas, ils ont les tenues là-bas à Buffalo. Alors, on a eu une salle d'arcade qui a tenu 2 ans, je crois, sur Bordeaux. Est-ce que c'est terminé les jeux d'arcade? C'est compliqué. Il y en a une à Toulouse qui marche très bien, qui est dans l'avenue de la gare, là, sur la gauche. Alors, elle est fermée, malheureusement. Ah merde, depuis, là, tu vois. Un ou deux mois. Mais, voilà, sans divulguer des informations, il serait probable qu'à Bordeaux, il y ait le retour de salle d'arcade très prochainement. Est-ce qu'il y a des jeux qui sortent en arcade encore? Non, mais ce sont des vieilles vieilles bornes qui restaurent et qui remettent au goût du jour. Il y a des jeux qui Pokken par exemple est sorti sur arcade récemment. Ah ouais. Alors on va faire un comparo dans l'arcade au Japon encore. Voilà, exactement, c'est ce que j'allais dire. Au Japon, on peut trouver des bornes d'arcade absolument hallucinantes et les Japonais, il y a des nous on a joué à un jeu d'arcade où le but du jeu, c'est de retourner une table le plus violemment possible. Alors c'est assez drôle parce que c'était une période où je buvais pas mal et ça m'arrivait de le faire en vrai. Donc j'étais quand même assez entraîné, je vous cache pas, et j'ai pété le score d'une borne d'arcade à Tokyo. J'en suis quand même pas peu fier. Grâce à mes problèmes d'alcool, mesdames, messieurs, c'est quand même beau. Non mais voilà, il y a ça, il y a genre, faut imaginer une silhouette d'une nana avec le cul un peu en avant et genre faut lui mettre des fessées et plus tu tapes fort, plus t'as des points quoi. Welcome in Japan. Ça là-bas au pays du soleil de vent. Il a cherché tout est normal. Il n'y a pas que le soleil qui se lève là. Et après, t'as le même truc. Tu sais que comme au cirque là ou dans les foires où tu dois taper sur le truc pour faire monter le gourdin, sauf que là en fait tu dois mettre des bifles. Oh, enculé. Tu connais pas? Ouais, mais ça c'est. Ah, non, le voilà. Alors Japon, après, on les voit pas partout. Ouais, le principal des bornes arcade, bon, c'est pas ça. C'est voilà, surtout les versus fighting. Voilà, il y a encore les street. Je crois qu'il y a une borne Street Fighter 5. Qui est sorti peut-être et en fait voilà il y a maintenant beaucoup de gars qui jouent en versus fighting les jeux de voiture. On va faire tout un dossier sur les Dance Dance Revolution aussi. Dance Revolution, je ne pourrais jamais m'enlever de mon esprit le père de Malcolm qui danse c'est excellent ça. Avec l'autre là comment il s'appelait qui fait compétition Franchement, on nous demande, enfin on nous dit, eShock, les bornes d'arcade étaient elles aussi pour un seul jeu dédié. Oui. Ouais, c'est vrai. Mais il y a des, apparemment il y a doute, des indépendants, des petits gars comme ça, qui bidouillent ce genre de truc et qui essaient aussi de, eux-mêmes, comme on fait un jeu Android, comme on fait un jeu sur PC maintenant avec des éditeurs. Unity et compagnie, qui essaient de créer eux-mêmes des jeux bornes d'arcade. Alors apparemment c'est pas facile, mais ça peut se faire. En gros, après maintenant les bornes d'arcade, tu les émules. Maintenant, il y avait des dédiés, ce que tu disais. Il y avait pas aussi. Pour revenir à ce que tu disais, au début il y a eu beaucoup de bornes d'arcade, il y a eu que de ça, que des dédiés. Et puis après, je vais pas dire de conneries, mais c'est peut-être SNK qui a lancé ça, ou au final tu as acheté la carte mère avec le port cartouche et voilà. Carrément. Et tu mets tes jeux dessus quoi. Tu vois, au Japon, j'ai joué à une borne d'arcade F-Zero. ce qui est énorme. Ouais. Et sur la borne d'arcade, ce qui est terrible, c'est qu'il y a un slot pour mettre ta carte mémoire GameCube. Voilà. Et en gros, enfin tu vois. Tu jouais ta partie. Mais ouais, ouais, ouais. Tu vois, c'est franchement. Et tu vois, on nous dit quand t'étais pas à la ville pour jouer aux bornes, fallait attendre qu'il y ait la fête foraine. Oui. C'est vrai. C'est toujours le cas à Bordeaux. Hein. C'est toujours le cas. Il y a des bornes d'ailleurs. On avait fait un tour de Mario Kart. Oui, qui est Grand très Prix bon. Arcade, qui est voilà le 2 et le 1. Et il y a que quand il y a la fête foraine où on peut y aller jouer à et puis, Bordeaux. Rappelez-vous, il y avait aussi des us et coutumes bien particulières dans des salles d'arcade, parce que donc forcément, on n'était pas les seuls à vouloir y jouer. Donc il y avait voilà une file d'attente et les personnes venaient et en fait la file d'attente se faisait où tu mettais ta pièce contre l'écran pour voilà réserver en fait ton tour à toi et c'est un monde quoi le truc je pense le problème de ça c'est qu'en France on pourra jamais concurrencer le Japon. Au Japon c'est 100 yens une partie. 100 yens, ça fait 10 centimes. C'est quoi. 10 centimes. Ouais. À Bordeaux, il y a une salle d'arcade. C'était 5 francs. Alors, évidemment, le mec, s'il a commandé sa borne, une borne, ça coûte combien? 10 000 euros. Oh, ça dépend. Moins cher. Mais enfin, en tout cas, l'année dernière, qui est partie à 1000 euros, peut-être 1000-2000. Ah ouais. Rien que la borne parce que Mario Kart, là, elle vaut très cher. Hein. Ah ouais. Enfin, voilà, maintenant avec le modèle économique, tu peux pas te permettre d'aller jouer dans une salle d'arcade à une partie à 2 balles, quoi, à 2 euros. Ah ben, c'est ça, hein, aujourd'hui. T'imagines Je pense que c'est un peu pour ça que la salle qui était à Bordeaux, malheureusement, a fermé. Eh oui, c'est clairement. Que, une partie d'arcade, une fois que t'as perdu, quoi, faut remettre une pièce. Et si tu perds dès le début, ben t'as plus 2 euros quoi. Ouais. Par contre, voilà, il y en a par exemple dans les salons comme le BGF l'année dernière où qui sont en mode libre et c'est bien, mais pas sur les jeux de plateforme ou les jeux ou comme Metal Slug je trouve. Qui durent longtemps. Ou qui durent longtemps parce que du coup il y a plus la saveur du défi. C'est-à-dire de te mettre. Oui, alors le défi, quand t'as 10 balais, je peux te dire que le Metal Slug, tu passes pas le premier niveau. Et d'ailleurs. Et que ta mère, elle a déjà plus de pièces dans son porte-monnaie depuis 10 minutes. Et d'ailleurs, je vais vous raconter une anecdote, c'est énorme ce que tu viens de dire. Tiens, on nous dit 3000 euros environ, suivant le type de borne générique ou pas. Mais il y a une anecdote, dans les années 80, il y avait une borne d'arcade qui était très connue et très populaire auprès des jeunes. Et les parents commençaient à se poser des questions parce que les gosses mettaient de la thune, et ils dépassaient jamais le premier niveau en fait. Et d'ailleurs, dans Wayne's World, je crois que c'est le 1 ou le 2, je ne sais plus, ils font un petit clin d'œil à ça. Et en fait, les parents se sont posés des questions. Ils ont créé un espèce de club des parents pas contents, tu vois. Et ils ont contacté l'éditeur. Et il s'est avéré qu'il est passé au tribunal parce qu'il n'y avait pas de deuxième niveau. En fait, c'était une arnaque. D'accord. Et ouais, et en fait, les jeunes... Alors, je me rappelle plus du nom de la borne. Si vous l'avez sur le chat ou quoi, ça doit être trouvable sur Internet. Et voilà, et en fait, il n'y avait pas de second niveau, quoi. Et les gamins mettaient des pièces pour essayer de finir le premier vidéo, niveau. Tu vois, aujourd'hui, on gueule quand on dépense 70 balles dans une galette. À l'époque, à coût de 10 balles, non, mais tu imagines, le nombre de ronds qu'on a dépensé sur une partie pour jouer à Street Fighter et perdre au quatrième combat, c'est juste hallucinant, quoi. Et d'ailleurs, je conseille... à regarder, alors pas le film Pixel qui est un énorme nanar il est marrant mais c'est tout. Je vous conseille King of Kong, je sais pas si vous connaissez. C'est vieux ça. C'est un reportage sur la vie d'un champion de Donkey Kong. Mais c'est sorti dans les années 70. Non, il y a pas très longtemps en fait, et il revient sur sa parce qu'il y a encore des gars qui jouent Donkey Kong, qui joue à Donkey Kong et qui essaye de battre leur corps parce que c'est un des jeux d'arcade des plus durs. Et il est même aidé par une mamie championne de Cuber. Voilà, c'est génial, c'est hallucinant, c'est les États-Unis. C'est des vrais gens, c'est hallucinant, c'est un autre monde avec une mamie championne de Cuber de 83 ans. C'est terrible. Il y a le Captain Awesome là, ou je sais plus qui est le policier là. Le gars qui est champion, qui a le titre, il est haïssable au possible. Ouais. C'est pourquoi je gagne, parce que USA. Enfin voilà, c'est une galerie de personnages. C'est des vrais gens quoi. What the fuck. Il faut regarder ce film. Vous allez passer un bon moment et on est dans le milieu de l'arcade des années 80. Donc regardez ce film. Tiens, on nous parle des mondes de Ralph, justement. Ouais, oui, le monde de Ralph. Il est bien si mal. Il a bien repris les jeux d'arcade. Bon, après, ça part un peu dans le gnangnan de Disney, mais... Je pense que justement, tout le système de bornes d'arcade, comme tu disais tout à l'heure, je pense aussi que la grande raison de toute cette disparition, on va pas se mentir, c'est le passage du jeu online. Parce qu'au final, les gens, avant, ce qu'ils faisaient, c'est, ils avaient envie de jouer contre leurs potes. Ils partaient, ils faisaient sa partie. Il avait son high score. qui était calé dans la machine et tout le monde y allait pour essayer de le battre. Sauf qu'aujourd'hui, tout se fait par Internet avec les connexions. Avec l'arrivée des consoles. Hein. C'est plus les consoles de salon. Oui, mais là, c'est encore pire. Il y avait encore, tu vois, ce petit côté à l'époque où il n'y avait pas les connexions online. Il y avait encore, je pense, des gens qui allaient dans les trucs jouer aux bandes d'arcade parce que tu avais toujours ce côté un peu viens faire mon meilleur score, machin, même si les gens allaient les uns chez les autres pour jouer sur la même console. Là, avec Internet, je pense que définitivement, alors peut-être pas au Japon parce que ça a une culture bien particulière. Voilà, les Japonais ont une vraie culture de la salle d'arcade. Il y en a, mais enfin, à Akihabara, il y en a sur il y a 15 étages, quoi, et c'est que des salles d'arcade. Et c'est ouvert jour et nuit. Et elles sont énormes, quoi. C'est des trucs, tu rentres dedans, t'as une vraie bulle, t'as une bulle tout autour de toi, qui tu tends les bras, tu la touches pas, et genre au-dessus de ta tête, t'as un vidéoprojecteur qui projette une image, et en gros, t'es dans un méca. Et tu montes dedans et elle se lève et tout sur des vérins, mon gars, et t'as les manettes et tout, ouh, tu te chauffes dans le bordel. Enfin, tu vois, elles sont toutes récentes. Et t'arrives, il y a un étage où il y a, mais elle doit coûter je sais pas combien, et t'arrives dans un étage où il y en a 20 en LAN. Tu vois, c'est un truc de ouf, quoi. Alors moi, j'ai pas eu la chance de tester ça au Japon. Par contre, j'ai pu le tester quand j'avais 14 ans aux États-Unis, où t'as des centres commerciaux qui font plusieurs kilomètres de long avec plusieurs étages. Et t'as des salles d'arcade énormissimes où j'ai pu faire du Daytona USA 2 avec mon père. Ah bah oui, oui, oui. Dans une borne que j'avais jamais testée parce que des bornes Daytona on en a eu en France, mais celle-là elle était vraiment soulevée sur vérin, donc vraiment ça bougeait dans tous les sens. Il y avait un Afterburner comme ça aussi qui est assez rare. Ça faisait penser à Afterburner mais en version high-tech au max. Et aussi on avait un jeu de voiture de Formule 1. On était 8, il y avait 8 Formule 1 montés sur vérin. Chacun avait un grand écran et il y avait des grands écrans qui reliaient les informations et on avait un commentateur. Non. Voilà. Et c'était le show énorme à l'américaine. Et ça c'était magique quoi, le truc, la sensation en fait de l'arcade. On l'a jamais retrouvé en fait chez nous quoi. Yes, tiens tu vois, oui. Il y a Bibine qui nous dit House of the Dead 3, j'ai niqué de la thune là-dedans, mordeur. Ah, c'était bien ça aussi, House of the Dead. Il était jouable au Stunfest et je peux te dire qu'il y avait la queue pour y jouer et ça désemplissait pas. Hein. C'était... Ça c'est un jeu, tu peux le sortir tout le temps. Hein. Ah ouais. Moi avec ma femme on le sort. D'ailleurs, House of the Dead 2 ou 3 sur Wii. Dandy disait pour le scoring, c'est vrai qu'il y avait une notion de scoring. Justement, avec les RGB, vous faites des soirées. C'est ça qui est intéressant aussi. On fait des soirées scoring, on organise des scoring. On en a fait un dernièrement. Bon, on fait pas sur du jeu d'arcade. Enfin, on essaye. Metal Slug, on l'a fait. C'est du jeu d'arcade. On essaye quand même de trouver des jeux où tout le monde peut jouer, donc sur smartphone principalement. Comme ça, tout le monde peut l'avoir sous la main. Mais je revenais juste sur les bornes d'arcade. Le problème aujourd'hui des bornes d'arcade, c'est qu'elles sont très chères et c'est l'entretien qui est très cher. Et ouais. Tout ce qui est bornes comme ça, c'est que il arrive un problème dessus. C'est pas une console qu'on démonte et qu'on répare un petit élément. C'est que là c'est vraiment des pièces qui coûtent cher et des fois la pièce vaut quasiment plus cher que la borne en elle-même. Voilà. Alors pour conclure, avant qu'on parle d'Uncharted 4, la question ultime où s'arrête et quand surtout le rétro gaming, PlayStation 1, PlayStation 2. Je laisse répondre. Bah après, est-ce que la PlayStation 3 est une console de rétro gaming? Ça dépend. En fait, je pense que la notion de rétro gaming dépend des générations qui jouent au truc. Moi, pour moi, le rétro gaming s'arrête à partir de la 64 et la PS1. Tu vois. Et au-dessus, tout ce qui est GameCube, machin et tout, pour moi. Non, c'est bon. C'est quand on avancera peut-être un peu plus loin, mais je suis pas sûr qu'avec le temps et avec toutes les autres consoles, on les considère toujours comme du rétro gaming, parce que le rétro gaming, je pense que c'est vraiment un peu la base des premières consoles et pas pour toi. Voilà, pour moi, voilà. Ouais, voilà. Après ça, c'est un truc générationnel. Ça. Les jeunes qui arrivent aujourd'hui dans ce milieu-là, pour eux, c'est forcément c'est la PS2. Ça remonte peut-être même jusqu'à la PS3, enfin c'est compliqué quand même la PS3 pour dire que c'est du rétro, mais t'as tout à fait raison sur la question de la génération. Aujourd'hui c'est à prendre en compte, parce que moi je suis pareil, pour moi ça s'arrête à la PS1 64, mais si ça se trouve il y en a pour d'autres, ça va être la GameCube, la PS2. Pour moi le rétro gaming c'est les souvenirs, tu vois, je retrouvais les souvenirs que j'avais. Donc moi tu vois je mets même évidemment la Dreamcast, je mets un petit peu la GameCube, un peu la Xbox. Vous en avez aussi pas parlé ce soir, c'était bizarre. Ouais, mais après il y a une définition qui nous avait été donnée par un pote, Alex d'ailleurs. C'est un jeu du Zimbabwe, ça, Shenmue, non? Et pour lui, il nous disait, voilà, pour moi, le rétro gaming, c'est quand un jeu, t'arrives pas à l'acheter neuf, qu'il est plus commercialisé neuf, que tu trouves qu'en occasion de gré à gré, tu peux considérer qu'il est déjà un petit peu rétro, quoi. Moi, je trouvais que c'était une définition pas mal. Ouais, du coup, t'englobais la PS2, t'englobais la GameCube et la Xbox. Après, c'est ce que j'allais dire justement, c'est que aujourd'hui, on considère par exemple tous les deux que ça s'arrête à la 64, à la PS1, mm-hmm. mais est-ce que dans 30 ans, notre avis va pas évoluer et va pas se dire, ah ben tiens, seulement, tu te rappelles de la Wii, c'était du rétro, tu vois, ça va évoluer aussi comme ça, seulement s'il y a un virage. On les mettra en. Alors, est-ce que, comme tu disais, Eki, est-ce que c'est pas lié, on va déborder ce soir dans 4 minutes, on s'écoute un petit disque, puis après on parlera d'Uncharted 4, est-ce que c'est pas lié à la technologie, justement? Ouais, justement, moi je pense que on parle aussi de rétro gaming. J'ai l'impression qu'on est dans une émission hyper sérieuse ce soir. En fait, c'est chelou, hein. Il y a un réel virage, justement, par rapport à la PS4 et, à la PS1 et la Nintendo 64 et les consoles d'avant, il y a eu un réel virage graphique, il y en a plein qui se sont cassés la gueule à ce moment-là, etc. La Dreamcast, par exemple, est vachement considérée comme une console de rétro gaming, mais en soi elle fait partie de l'après ce virage là où il y a eu de la 3D, il y a eu tout ça. Du coup, je pense que les prochaines générations de consoles rétro de manière technique seront une fois qu'on aura trouvé un substitut, peut-être même à la 3D, donc peut-être la 3D en réalité augmentée, ouais, comme on a maintenant, etc. Donc tu vois, sur le chat, ça nous dit beaucoup, c'est générationnel, ça dépend de l'âge qu'on a. Effectivement. Ouais, mais je sais pas. C'est limité au support cartouche, hein, pour certains. Ouais. Beaucoup, ouais. Ce que je peux comprendre, moi je sais que, je sais pas, dans 15-20 ans, j'aurais du mal à considérer l'Uncharted 4 comme un jeu de rétro gaming, par exemple. Ouais, de par sa qualité graphique, ou ouais, quelque part, le rétro gaming, moi, ça me dit pixel, ça me dit grosse frame, oui, ça me dit, ce qu'il faut se dire. Grosse claque graphique. Oui, mais enfin, la grosse claque graphique, à part avec de l'HoloLens encore, je pense qu'on va guère faire beaucoup mieux que ce qu'on a déjà aujourd'hui. Et ouais, mais dis-toi qu'il y a un jour, ça arrivera forcément, où Uncharted 4 sera démodé, quoi. Ça sera. Oui, il sera démodé, mais pour moi, il fera partie à la limite. Donc je dis, ah ben ça, c'est un jeu old school. On avait une façon, un gameplay bien particulier, plus old school. Pour moi, le rétro gaming, c'est vraiment les jeux, on va dire, sur les 10 premières années de développement de jeux vidéo. Pour moi, ça restera toujours du rétro gaming. On va dire, voilà, c'est un peu le bourgeonnement du jeu vidéo, le moment où il a commencé à éclore. Mais c'est ça. Allez, avant de s'écouter le Scud, un petit tour de table. Tagazu, s'il ne devait en rester qu'une. Ah ben bah moi je l'ai déjà dit, la Super Nintendo. Ouais, avec lequel genre, allez, il y a Mike Horn qui passe, pars sur une île déserte, bon t'as du pot, il y a une télé quoi. Zelda, il y a du jus, et Zelda, tu peux prendre un jeu. Link to the Past, Zelda et Link to the Past. Ouais. L'intro, où il démarre, il est dans son lit, il pleut et tout. Elle est mythique cette intro. À chaque fois que je la refais, j'en ai des frissons. Il fallait chercher. Il a les yeux qui brillent quand il en parle. La musique de l'église et tout. Enfin, il y a tout un truc. La musique de Koji Kondo qui faisait les musiques à l'époque. Koji Kondo. Et du coup, ça sera ça. Yes. Dandy, rapidement, il reste 2 minutes avant. Moi, je peux pas choisir. Check fou. Égalité. Mega Drive et Super NES. Super NES, Zelda comme toi. Et je dirais Street of Rage pour la Mega Drive. Yes, joli, je m'en doutais. Obligé. Toi, Eki? Mais franchement, j'ai du mal parce que, au final, je suis pas du tout fan de rétro gaming et tous les jeux que j'ai adorés dans mon enfance, quand j'y rejoue maintenant, ça m'arrache la gueule, quoi. Je peux pas. Ouais. Du coup, en soi, je dirais PS2 au final, en fait. Ouais. Je crois que c'est la console où j'ai le plus de souvenirs, où je me suis le plus amusé. Sur quel jeu? Je sais pas, mais c'était les jeux de mon frère. Du coup, c'était du Tekken, tous les jeux que ramenait mon frère. Au final, c'est à partir de la GameCube que j'ai commencé à acheter mes jeux, à acheter tous les Sonic, les Mario, etc. Yes. Mais avant ça, moi, j'étais élevé à Tekken. Ouais. Voilà. Yes. Et vous, alors, par contre, j'ai zappé vos prénoms. Je suis désolé. Alors moi, c'est Quentin. Quentin et Racco. Alors Quentin, toi, rapidement. Moi, là, ce sera la Mega Drive. Ouais. C'est sûr. Et puis un jeu, Aladdin, forcément. Yes. Aladdin. J'en emmènerai peut-être deux autres. Il est très dur, mais Probotector. Oh, joli! Il était génial, Probotector. On pouvait jouer à deux. Tu vois, regardez que tu dis le nom d'un jeu. Et Batman et Robin. Génial. Oh, je l'avais oublié celui-là. Vas-y, vas-y. Moi, évidemment, tout le monde le sait, c'est la Dreamcast avec Shenmue. Sur le chat, ça rigolait beaucoup. J'en rajoute une. Est-ce qu'il va être placé? J'en rajoute une dédicace. J'en rajoute ma pire box. Ma Xbox modée. Ah, tu vois, on nous dit sur le chat Turtle in Time sur Super NES, la Game Boy Advance, c'est la Sega avec Alex Kidd qui revient beaucoup, la Mega Drive, la Super NES. Ah, Dreamcast, faites-lui plaisir, un petit Dreamcast en commentaire. La Dreamcast. Alors toi, on nous dit, alors c'est Callahan qui nous dit ça commence à la Master System, ça s'arrête à la Dreamcast. Oui, là, ouais, en fait, c'est le Chris, Sega quoi. Passer par Nintendo. C'est ça. Sega. Ouais, Nintendo, bah moi écoute, pas sorti de console. Moi je pense que je partirai avec une Nintendo 64 et peut-être quand même GoldenEye, même si j'ai beaucoup de sympathie pour Mario 64. Mais je le dis souvent à l'antenne, mais c'est je pense que c'est pour tout le monde pareil, mais c'est des consoles qui sont liées à un moment de notre vie. C'est ça. Voilà, c'est le collège, machin, tu sais. Et on pouvait déjà jouer avec trois potes à quatre en écran 5D sur le même écran en plus. Et c'est ça. C'est ça. Oui, c'est les moments de sa vie. D'ailleurs, t'as pas des violons là? J'ai une petite anecdote. T'as une vraie anecdote? Oui, une vraie anecdote qui va peut-être faire pleurer ou. Attends, tu sais quoi? On se met le scud, on le met pas en entier, genre 2 minutes, tu vois, histoire de souffler un peu, et retour et vas-y. Après, on parle d'Uncharted 4. Allez chercher vos mouchoirs. Allez chercher. Ah vos ouais, mouchoirs. Mais grave. Attention. Alors, on nous dit Probotector le cauchemar à partir du niveau 2. Ah oui, ah. Ah bah il est très dur hein, ce jeu. Yes. Allez, il est quelle heure il est, putain? Il est 20h30, c'est un truc de ouf. Vous écoutez toujours La Voix du Geek sur Eau de Radio et nous on revient juste après All Nation avec Sail. Vous écoutez Eau de Radio. Vous écoutez Eau de Radio. Vous écoutez sur 91.3. 91.3. La Voix du Geek. L'émission 100% jeux vidéo sur Eau de Radio. Allez, on est de retour toujours en direct hein, dans La Voix du Geek sur Eau de Radio 411.3 en Aquitaine et sur eauderadio.net pour le reste de la Gaule. On est toujours en live sur Twitch, twitch.tv/lavoixdugeek, la voix avec un E. On vient de parler de rétro gaming, dans un instant on parle d'Uncharted 4. Mais juste avant, alors j'ai adoré, oui, il y a le micro qui se casse la gueule, on est en direct, c'est normal. J'ai adoré chercher le morceau, alors Tagazu, je t'ai trouvé une musique d'amour triste qui fait pleurer, c'est le nom du morceau. Vas-y, c'est parti pour mon anecdote. Séquence émotion. Séquence émotion. Non, en fait, j'ai un pote qui a. Non, il est toujours vivant. Ah merde, il y a des paroles, le pauvre. Mais ça de violine. Qui avait un père qui jouait beaucoup à Rally Sport Challenge sur Xbox. Et écrasé sa porte. Et lui, il était trop petit pour y jouer. Et à chaque fois, son père l'éclatait. Malheureusement, son papa est décédé plus tard. Et il a retrouvé sa console il n'y a pas très très longtemps. Et en fait, il a retrouvé la Xbox, la carte mémoire et tous les fantômes des scores de son père. Oh, c'est génial. Et il a rejoué à ça. Et il a retrouvé des émotions énormes. Et du coup, il a même renvoyé l'anecdote. On peut le trouver sur un bouquin qu'a fait Florent Gorge. Il a renvoyé. Moi aussi, j'ai une anecdote dans ce bouquin aussi. Et du coup, il a renvoyé. Et c'est vrai que il a jamais réussi à battre son père. C'est-à-dire que maintenant, il est plus fort que son père au niveau des fantômes. Et il ralentit devant la ligne d'arrivée pour pas le battre. Ouais, pour que le score reste toujours. Pour que son père reste toujours. C'est beau, hein. C'est mignon. Et comme quoi, le jeu vidéo peut véhiculer quand même pas mal d'émotions et voilà. Surtout des souvenirs en fait, c'est ça. C'est que le jeu vidéo c'est un peu une pierre où tous nos souvenirs sont dedans quoi. Mais ça en fait c'est lié au fait que ça va très vite, ça avance très vite, donc évidemment sur une année tu vois, nous tous les jeux qu'on bouffe à l'année, enfin toi ça te rappelle un moment quoi, donc évidemment ça va très vite, donc toi ça te rappelle forcément, il y a forcément un jeu qui est lié à quelque chose, quoi. C'est pour ça que je pense que le rétro gaming, cette anecdote parle beaucoup. Ça doit rappeler à des joueurs, à des moments de leur vie. Et c'est pour ça qu'on est à fond, nous, sur le rétro gaming. À l'époque, on jouait longtemps au même jeu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la durée de vie d'un jeu, concrètement, elle est d'une semaine. Pour un peu que tu arrives à voir le jeu une semaine avant sa sortie, le jeu sort, tu l'as terminé. Ah oui, ça. Aujourd'hui, on est sur ce format-là. À l'époque, t'achetais un jeu, ou t'avais un jeu en décembre à Noël. Au Noël suivant, t'avais un nouveau jeu, t'avais pas terminé le précédent. Hein. Et oui, c'est vrai. Il y en avait pas beaucoup des jeux à l'époque aussi. Oui, il y en avait pas beaucoup, mais ils étaient déjà, ils étaient beaucoup plus compliqués. Il y avait pas de sauvegarde au début. Beaucoup moins dirigistes que les jeux d'aujourd'hui, où on a quand même pas mal de jeux couloirs où t'as pas besoin de chercher. Les jeux d'antan, t'étais paumé. T'avais des numéros surtaxés où tu appelais des gens quand t'étais coincé. Voilà, des hotlines de jeux vidéo. En disant voilà, alors là, je suis derrière le four, machin. Et le gars au téléphone, il devait être là. Ah, attends, bouge pas. Il devait jouer en même temps. C'est ça. Il y a des vidéos encore aujourd'hui sur des reportages de l'époque. Et je me souviens avoir vu un reportage où justement ils appelaient ces hotlines-là. Et le mec de chez Nintendo jouait en même temps et il lui disait, bah là, il faut que tu sautes à ce moment-là pour éviter le truc. T'imagines C'est incroyable. C'est hallucinant. C'est à l'ancienne. Et tout le prix à l'époque, ça devait être, je sais pas, 1 ou 2 francs la minute. Ah ouais, clairement. Et voilà, c'était. Donc voilà, j'ai bien plombé l'ambiance. Maintenant, on va parler d'un titre. Non, tu l'as pas plombé. Moi, je trouve que t'as sorti une très belle anecdote et ça montre qu'il y a aussi beaucoup d'amour. Ça mérite des applaudissements. Ouais. D'ailleurs, c'est mon pote parce que quand il m'a raconté cette anecdote pour la petite histoire, Florent Gorge faisait un livre sur le recueil de toutes les anecdotes de joueurs que j'ai acheté plus tard et on pouvait donc, c'était participatif, on pouvait tous renvoyer sa petite anecdote et donc celle-là était au top. Moi, j'en ai renvoyé une qui n'est jamais parue. Donc voilà, c'était sur 60 sur GoldenEye. Peut-être qu'un jour je serai paru dans un bouquin de jeux vidéo. Ben, le truc c'est qu'elle est ultra symbolique cette anecdote. C'est ça. Oui, le fait de la mort et des fantômes, tu vois. Alors pour les auditeurs qui sauraient pas, c'est quand on fait un jeu de voiture, on peut sauvegarder notre temps sous forme de fantôme. Donc en gros, c'est une voiture qui roule devant nous, mais sous forme qu'elle est transparente. Elle est transparente. On appelle ça un fantôme. Pas la percuter, et voilà. C'est hyper symbolique. Et là, voilà. Mesdames, messieurs, vous entendez cette musique arriver. Ça, c'est bon. C'est intense. Et les musiques sont très bien, d'ailleurs. Aïe, aïe, aïe, aïe. On va vous parler d'Uncharted 4. Il est excellent sur Xbox One. D'ailleurs, il y a une image qui est assez rigolote où on voit un comparatif des graphismes PS4, Xbox One, PC. Elle a fait le tour du web, celle-ci. Ouais, carrément. Elle est assez drôle. Allez, Uncharted 4, c'est édité par Sony, développé par Naughty Dog, les génies. Sorti le 10 mai 2016, c'est un jeu d'action-aventure, c'est déconseillé aux moins de 18 ans. Alors, qui nous fait un petit point sur l'histoire ? Oh bah, je pense que tu es peut-être le mieux calé pour nous en parler, non ? Ah non, trop pas. Au fait, spoiler pas la fin. Hein, si, à la fin, Nathan, il meurt. Le gars, il balance ça encore, en direct à la radio. Je sais, il s'est coincé, la bite dans son cœur. Oui, non, il y a une fin alternative. Avec un Bernard Lermite ? Il y a une fin alternative où Nathan part en moto vers le soleil couchant et il se coince les couilles dans le dérailleur. Voilà. Ouais. C'est une fin alternative. Tu me diras comment on la débloque quand même. Peggy 18, je vous rappelle. Ah oui, non, mais attention. Censuré par la critique. C'est ça. Kougou, tu veux nous parler un petit peu de l'histoire ? Bah, concrètement et rapidement, on va dire que l'histoire reprend place. Nathan vit une vie très paisible aux côtés d'Elena. Qui est devenue sa femme. Qui est devenue sa femme. Et qui a un plus beau visage qu'avant. Elle est ultra mignonne, quoi. Ah, ouais. On y reviendra en faisant le test, mais il est vrai qu'ils ont très bien travaillé le personnage d'Elena par rapport aux précédents opus. Elle est hallucinante. Graphiquement, et également en termes de psychologie du personnage, ils ont enfin laissé tomber la gourdasse qu'elle était, et ils en ont fait quelqu'un d'hyper important, de sensible. Mais c'est un petit peu aussi, du coup, le maître mot autour du jeu, c'est qu'ils ont rendu des personnages un petit peu, enfin, ultra héroïques sur les trois précédents opus. Et là, ben, on nous montre, ben, qu'en définitive, ce héros, ce sont là, l'histoire, elle prend place. Nathan Drake, il a une vie rangée des bagnoles. Hein. Il est plongeur. Voilà, pour il une est plongeur société. En fait. Ouais. Il va nettoyer, récupérer des trucs sur des épaves. Ouais, des canaux en fait qui sont salis par des carcasses de bagnoles. Et lui, son job, il est plongeur. Il va nettoyer tout ça, quoi. Et le soir, il rentre chez lui auprès de sa petite femme qui a préparé le repas. Il se joue des petites parties de jeux vidéo, voilà. Aïe, tu balances ça. Oh, putain, fallait pas le dire. Vous n'avez rien entendu. Et bien à la fin, alors, il meurt vraiment, tu vois. Mais je me suis fait spoiler sur internet, moi, sur cette vidéo. Je crois qu'elle était partout. Le gars, il s'est fait spoiler, alors il spoil le monde entier. Mais non, mais du coup, j'avais pas pris ça pour un spoil. Je pensais que c'était un easter egg, du coup, voilà. Pardon. Non. C'est pas grave. Et voilà, concrètement, donc faites dans cette vie paisible. Je sais pas qui c'est qui. À un moment donné, il est un petit peu rattrapé par son passé. Et notamment coup de théâtre, mesdames, messieurs. Son frère, qu'il n'avait point vu depuis plus de 15 ans, qu'il pensait même décédé, il le retrouve, et du coup, il se fait embarquer dans une histoire au départ un peu malgré lui. Il fait ça un peu dans le dos de sa femme. C'est assez énorme, ça. C'est un peu énorme, et donc, du coup, il se retrouve embarqué dans de nouvelles péripéties sur la route du pirate Avery. Carrément. Donc ouais, c'est une vraie. Ce qui est cool, c'est que c'est une vraie histoire de piraterie. Le jeu écrase totalement l'Assassin's Creed. C'était lequel Le Black Flag. Le Black Flag. Mais complètement. Il écrase littéralement. Alors après, on peut pas trop comparer, sachant que c'est un monde ouvert. Mais la façon de mettre en scène l'univers de la piraterie est juste hallucinant dans Uncharted, quoi. On va parler un petit peu de l'univers et des graphismes. Histoire que les auditeurs se fassent. Moi, je veux bien couvrir la partie graphisme. Eh ben, vas-y. Il faut que les auditeurs se fassent une image du jeu. Ok. Ah ben, vas-y, du coup, je commence par les graphismes. Ouais, vas-y. Okay, l'univers. Mais du coup, l'univers graphique, il est un peu comme ceux d'avant au final. Hein. C'est vraiment, ça tourne autour du voyage. On voyage beaucoup. Ça, j'adore. Faut savoir que la PS4 et la 3D temps réel, c'est que de l'illusion. Et réussir à faire autant d'illusions comme ça, de manière à ce qu'on croit en fait que la PS4 puisse être aussi puissante graphiquement, alors qu'en fait c'est que des astuces, tu vois. C'est comme ça qu'est fait un jeu vidéo au final. Mais là, effectivement, les mecs se sont vachement démenés et je pense ont explosé toutes les limites graphiques de la PS4. Et ça s'entend. Et ça se ressent grandement. Et je pense que la console crache chez vous. On ressentira un peu la même chose avec le prochain Final Fantasy d'ailleurs, je pense. Ouais. Mais au-delà de ça, voilà, le truc que vous avez peut-être ou pas remarqué par rapport à cet opus, c'est que le look and feel de Uncharted a changé par rapport à celui du 3. Ce qui veut dire, voilà, pour les novices, pour les newbies. En fait, le look and feel, c'est tout simplement un traité, un aspect graphique qu'on va donner à un jeu vidéo de manière générale, de A à Z, en fait. Et c'est ce qui va, en fait, donner la patte. Par exemple, le cel shading est un look and feel, par exemple. Okay. Et là, on est passé de une 3D qui se voulait en soi réaliste, en fait, à une 3D quasiment semi-réaliste qui se rapproche du film d'animation, en fait. D'accord. Qui est une 3D beaucoup plus lissée, beaucoup plus douce. Bah, le jeu est pas réaliste dans ses graphismes, il n'est pas dessin animé. Même au niveau des animes, même au niveau des animations des personnages, au niveau de la physique du jeu, le jeu a perdu en réalisme, en fait, pour gagner en beauté. Et c'est ce qui fait que cet Uncharted 4 et une réussite graphiquement. Alors nous, on le dit, c'est une expression qu'on utilise souvent, le diable est dans les détails. Chez Naughty Dog, ils sont complètement possédés. Complètement. Un jeu, sans déconner, qui fait passer The Division pour un jeu qui est plutôt vide. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'on se rend compte de l'illusion, notamment dans les passages où on n'est pas censé tomber, où on meurt, en fait, où on se rend compte que là, la 3D est vachement plus PS3, la physique vachement plus buggée, etc. D'ailleurs, ils auraient peut-être dû enlever ce moment où tu vois ton personnage tomber, parce que la plupart du temps ça se résout en un gros bug qui gâche un peu le truc. On appelle ça une poupette. Et puis j'aime bien parce qu'il prend une balle, il meurt, donc tous les potards de son moteur physique chute, et du coup il tombe en poupée de chiffon et t'entends toujours Nate. Ouais, c'est ça. Mais ce moment-là, peut-être à la limite, ça permet de se donner un aspect de ce qu'est un jeu vidéo en général et de toute l'illusion qu'il y a dans Uncharted 4 au final. Il faut que tu parles dans ton micro si tu veux qu'on t'entende. Alors, moi je l'ai pas fait encore, j'ai la PS4 mais j'ai aussi la Xbox One. Je suis en ce moment sur le dernier Tomb Raider sur Xbox One, je trouve hallucinant, ça me décroche. Pour te donner une petite idée, en fait, justement, le Uncharted 3 suivait un look and feel qui était proche de celui du Tomb Raider, à savoir du réalisme, en fait, tout simplement rapprocher les textures le plus possiblement de la réalité, etc. Là, il y a une touche, en fait, l'image est peaufinée, les couleurs sont fausses, les décors sont c'est très saturé. Sont, vraiment comparable. Ils font vraiment, c'est comparable en soi, mais ce serait comparable au Uncharted 3. Le truc, c'est que Tomb Raider est très terne. Ouais, c'est dans ça. Ses couleurs, c'est très terne. Là, même Uncharted, pour régler ta télé, c'est nickel. Ouais, c'est clair. Ouais. Ah, quand t'arrives à Madagascar, la claque que tu prends entre l'orange de l'argile, c'est ça. Le vert des prairies, l'eau, c'est impressionnant. C'est même y a du motion blur, donc du flou de caméra et de vitesse sur à peu près tous les mouvements et tout. Un peu comme ils avaient essayé de faire avec Ratchet & Clank au final. D'ailleurs, c'est marrant, j'ai testé les deux dans la même période. Et bah là, c'est vraiment une qualité proche du film d'animation, sauf que c'est de la 3D temps réel, que du coup les calculs se font en direct et que du coup faut tout optimiser, faut tout, voilà. D'ailleurs, ça se voit, Nathan Drake, selon à quelle distance du personnage est posée la caméra dans les cinématiques, etc., ils doivent switcher avec au moins 5 ou 6 modèles différents de polygones pour Nathan Drake au final. Moi, c'est la première fois que je me fais avoir par des cinématiques en ne sachant pas à quel moment le gameplay commence gameplay s'arrête. C'est qu'en plus, toutes les cinématiques sont dans le footage du jeu. Et ce qui est marrant, c'est que ce qui peut nous mettre sur la piste du « on a voulu nous rapprocher d'un aspect cinématographique et film d'animation », c'est que les passages qu'ils nous montraient à l'E3, au niveau du lighting des scènes, en fait, de la lumière dans les scènes, étaient totalement différents de ce qu'on peut voir maintenant dans le Uncharted auquel on est en train de jouer, parce qu'ils se sont rendus compte que certes, ils s'étaient rapprochés d'un point de vue cinématographique, mais que le lighting, empêchait une certaine lisibilité pour le joueur par rapport aux actions qu'il pouvait voir. Alors, c'est important ce que tu dis parce qu'il faut le préciser, mais je pense que c'est un des rares jeux de cette année qui a pas été downgradé, quoi. C'est vrai. C'est un des rares jeux parce qu'à l'E3 ils nous vendent du rêve, c'est toujours des vidéos qui tournent sur des PC de ouf qu'on s'achètera jamais, et une fois qu'on lance la galette, on est toujours un peu déçu, que ce soit pour The Division, ça a été le cas pour plein de jeux, Fallout, il me semble aussi. Watch Dog, je pense que c'est la plus grosse déception graphique. Ouais, là, c'est pas comparable aussi parce que c'est un jeu purement PlayStation, donc ils ont dû s'adapter à la mécanique de la console, et tu pouvais pas simplement faire une version PC que tu downgradais sur console. Pour le coup, vraiment, je pense qu'ils ont bossé tout du long avec la PS4 et qu'ils ont appris tous les points faibles et les points forts de la PS4 pour réussir à sortir une galette qui est aussi merveilleuse. Enfin, au niveau des charts, c'est quand même la première fois que c'est un titre exclusif, c'est une exclusivité qui est numéro 1 au niveau du classement triple A quand même. C'est un carton plein, quoi. Parce que c'était le jeu qui allait faire grand. C'est le jeu qui me fait acheter la PS4 moi à l'heure actuelle. Hein. Je joue que clairement sur la One, c'est le jeu qui me fait acheter la PS4. Hein. Juste un chiffre pour information, au jour de au Day One du lancement du jeu, 2,7 millions de ventes. C'est énorme. Ouais. Autant plier la gomme magique. Est-ce qu'on compte toutes les copies qui se sont vendues avant la sortie officielle ou que le jour de la sortie officielle? Et ouais, parce que c'est un jeu qui a eu beaucoup de problèmes. Et oui, il y a eu pas mal de sorties avant. Ouais, en fait, c'était en Angleterre, je crois. Ouais. Un camion qui a été braqué assez violemment en plus c'était pillé, pas nous. Quoi. Non, on n'y est pour rien. Comme avec les Amiibo, une période. C'est vrai. Ils étaient cosplayés en Nathan Drake. Ouais, ils sont arrivés. Voilà. Avec une Jeep. À fond dans leur délire. Bon, non, voilà. Après, c'est un jeu qui nous permet de visiter pas mal d'univers. Il y a l'Écosse, moi, que je trouve assez terne. Assez en dessous du reste de parce que voilà, on va à Madagascar, c'est complètement what the fuck, c'est coloré. Temps, vraiment en Écosse, c'est vraiment comme ça, c'est oui, grillé. Après, voilà, ouais. Après, encore dans l'Écosse, ils ont quand même magnifié le temps terne, mais c'est vrai que voilà, c'est le temps joue beaucoup, hein. Moi, Skyrim, juste pour le fait que ce soit dans la neige et gris tout le temps, ça m'a saoulé, en vrai. Ouais, c'est vrai. Mais ça joue sur le moral un peu, quoi. Parce que voilà, c'est, j'aime pas la neige. Pourquoi à chaque fois que j'aime pas un truc et que toi t'aimes, tu me toises comme ça? Pas aimer la neige. Je déteste les jeux dans la neige. Franchement, autour de la table, qui c'est qui aime pas la neige? Moi, je prends pas parti, hein. Moi, c'est mort. Attends, franchement, ça dépend, tu parles du goût. Je me corrige, j'aime bien. Il a pas la jaune. J'aime bien faire du ski, d'accord. Je n'aime pas les jeux où il y a de la neige. J'aime pas les niveaux dans la neige. Skyrim est un niveau entier dans la neige. C'est un Uncharted 2 dans la neige. Grand débat ce soir. Donc, vous le notez, quand SSX y sort, c'est lui qui fera le test. C'est mort. Non, encore, c'est un jeu de vitesse, tu vois, mais vraiment, les parties dans la neige, c'est blanc, c'est terne, c'est, je sais pas, moi, ça m'est... Mais t'aimes pas le bruit des pas dans la neige? C'est hyper cool. Ouais, j'aime bien, moi. Si je peux rebondir, détrompe-toi, parce que sur le Tomb Raider, le dernier, la sortie sur One, tu commences, t'es dans la neige, et c'est pas terne du tout, hein. Tu prends une claque visuelle. Ce n'est que mes goûts et mes opinions, et après, Tomb Raider, je l'ai fini, et la fin était aussi dans la neige et tout. Voilà, c'est juste qu'un jeu entier dans la neige, ça me saoule, c'est tout. Ah, entièrement dans la neige, ouais, ça peut être chiant. Allez, faut qu'on avance un peu, histoire qu'on finisse pas minuit. Au niveau du gameplay, est-ce qu'il y a eu des changements? Est-ce que vous avez noté des changements par rapport aux autres? Bah ouais, et d'ailleurs, je trouve que... Enfin, je vais peut-être faire l'avocat du diable, mais je trouve que ce Uncharted-là, c'est la critique que je ferai, c'est qu'il est clairement hyper pompé d'un Tomb Raider. C'est franchement... Mais qui de Tomb Raider ou d'Uncharted? Mais oui, mais alors au départ, Tomb Raider, c'est de bonne guerre, parce que Uncharted est inspiré de Tomb Raider. À partir du moment où ça fait s'élever les jeux, en fait, si ça fait de la... Enfin, voilà, genre de concurrence bénéfique qui font que c'est bien. Pourquoi pas aller chercher quelque chose qui fonctionne très bien, même un jeu à la concurrence, si c'est pour élever le jeu que t'as en train de développer? Alors justement, là, je vais mettre le doigt sur quelque chose que j'ai trouvé inutile. Mets le doigt sur le nœud. Que j'ai trouvé inutile au possible. C'est pas du spoil, hein, mais à un moment donné dans le jeu, on trouve un piton d'escalade. Putain, le fameux piton. Ouais. Et clairement, dans le jeu, il n'apporte rien. Quand j'ai écrit le test pour le site, Dandy il me fait. Mais le piton, c'est quoi? Il trouve un serpent, le gars? Mais non! Il me fait passer pour un couillon. Il est con, lui. Non, clairement. Qui lui sert de liane. Ils ont mis un passage enfin ils ont mis plusieurs passages à des endroits du jeu. Il y en a peu. Où, ouais, voilà, il y en a peu et franchement, je trouve pas justifié l'utilisation de ce python qui existe dans Tomb Raider le dernier. Enfin, c'est même pas un python, elle a un piolet. Elle a un piolet, elle. Et là, ils ont mis un python, mais clairement dans le jeu, il sert à rien. Oui, c'est un peu le gameplay, quoi. L'utilisation est pas vraiment la même, c'est puisque avec son piolet, Lara Croft, elle peut, on va dire, s'accrocher, se retenir et grimper. Que là, avec son python, Nathan Drake, en fait, une fois qu'il a planté, il peut plus, par exemple, monter, c'est-à-dire qu'il est fixé à la paroi et tu peux attraper soit une petite pierre à droite ou une petite pierre à gauche. D'accord. C'est-à-dire, c'est juste pour te stabiliser à un moment donné dans ta montée, mais tu peux pas monter, par exemple, qu'au piolet. Ça va te stabiliser. Moi, j'ai essayé, il a les deux mains sur le piolet. Ouais. S'il a pas une pierre autour, il peut rien faire. Il peut que faire des tractions. Mais ça lui sert comme d'une pierre d'escalade. En fait. Mais c'est vrai, je te rejoins. J'ai pas trouvé pour le peu de phases qu'il y a où on l'utilise, il l'aurait pas mis. Ça changeait pas grand-chose. Ça changeait rien. C'était la petite touche. C'était le petit côté un peu Tomb Raider. Mais si tu vas par là, le grappin aussi qui lance, c'est un petit côté Tomb Raider. Ouais. Zelda surtout. Oui, c'est ça. Et voilà, encore, le grappin, lui, a une utilité. Il est cool à jouer. Réelle. Parce que franchement, il sert et ça se voit. Le grappin sert à faire des belles actions. Ouais, en fait. C'est cool en plus. C'est-à-dire que vraiment, il y a des espèces de ralentis de temps en temps, etc. Là, c'est de la surenchère. Il y a des moments où effectivement, tu vois un parcours avec des ennemis en bas et tout, tu sais ce que tu vas enchaîner et que voilà. Parce que d'un autre côté, la PS4 c'est vachement branché stream ces derniers temps et que du coup, Naughty Dog ils sont pas cons, ils sont dit ok, ils sont vachement dans le stream. Le but ça va être aussi que quand un joueur regarde quelqu'un jouer à Uncharted, il fasse ah putain là il a fait un sacré truc quand même, tu vois. Ouais, du carrément. Coup en soi le grappin, même s'il enlève une fois de plus un côté réaliste énorme par contre aux actions de Drake, de Nathan, parce que c'est vrai qu'au final il y a pas que le grappin, quand tu vois à quelle vitesse il peut monter carrément, enfin je veux dire un mur, en s'accrochant que sur les ongles et en faisant des bonds d'un mètre. Ouais, mais ça c'est en termes de gameplay, il y a un moment où le gameplay a des besoins qui fait que tu enlèves un peu de réalisme au truc. Ah oui. Et le grappin en lui-même avait pas un gameplay méga intéressant, c'est vraiment le fait de pouvoir se et ben pas que ça, puisque il sert quand même également à tirer certains objets, à accéder à certains endroits qui sont masqués par des objets. On peut lancer le grappin, le tirer à soi. Ah oui, non, mais ils ont certes. Quand même essayé d'y amener un peu plus qu'une simple liane. Mais truc le plus important qu'ils ont apporté dans le gameplay et que j'ai trouvé vraiment très appréciable, parce qu'au final ça peut nous éviter de sacrés problèmes, c'est la furtivité. Et ça, franchement, ça fait du bien. Ouais, déjà, les potes se font plus repérer. Ça m'a fait très rire, ça, parce que. Oui. Parce que des fois ils sont carrément pas discrets quoi. Ils leur passent carrément même devant, alors, juste accroupi. C'est le syndrome Last of Us. Voilà, on va en parler assez rapidement, mais il y a un gros souci dans cette Uncharted. Je pense que c'est l'IA, l'intelligence artificielle qui est complètement demeurée. On peut lui courir dessus. Elle nous capte même pas quoi. Elle se rend même pas compte de notre présence quoi. Faites-le en extrême, il vous capte très vite. Un petit peu juste lâché de façon malencontreuse. On va dire, d'habitude, les Uncharted, ils nous amènent petit à petit à utiliser justement donc la furtivité. Ouais. Là, c'est au-delà même de la furtivité, en extrême, c'est que t'as un chemin précis, un timing précis, une frame précise. Ah ouais. Tu peux pas. Il y a notamment, là où j'étais bloqué donc très longtemps, en fait, c'est un passage qu'on peut passer sans faire aucun combat. À partir du moment où on esquive juste les bonhommes, seulement là où ils ont été très bons, c'est que les patterns, ils vont rester les mêmes pendant une heure. Tu vas recommencer ton jeu 2 heures après, le pattern a été modifié. Ah ouais. C'est-à-dire il y a des sessions où pendant une heure ils vont refaire le même pattern. Une heure et demie après, il y a juste un décalage. Ce décalage foire tout. Et comme c'est vraiment, quand je vous disais, un timing, un chemin, c'est que dans ce passage-là, on peut l'aborder peut-être de 4 chemins différents. Et puis après, ça va être empirique puisque chaque chemin se croise, donc 4 fois 4 fois 4 fois 4. On peut l'aborder vraiment de plusieurs trucs, mais en fait, non. C'est si tu ne prends pas le bon chemin dans le bon timing, tu ne réussis pas. Et le truc de l'extrême, c'est tu ne peux prendre que jusqu'à 2 balles maximum. Toi, et on nous dit sur le chat, c'est Onizuka qui nous dit en extrême, faut pas la jouer bourrin. Ah mais pas du tout. Mais c'est non seulement faut pas la jouer bourrin, mais s'il faut que t'attendes. Moi, je me suis vu passer des sessions à attendre. J'ai regardé 12 minutes que le pattern se fasse en entier pour avoir justement là t'as un centième de seconde où c'est là qu'il faut que tu ailles, parce que si tu vas pas là tu n'y arriveras pas. Bon, ouais, Kogu, c'est bon, t'es prêt, tu peux jouer à Hitman. T'es ready là. Non, moi tu sais, le côté chauve, tatoué, c'est pas mon truc. Et ça, t'aimes bien ce genre de choses, tu vois, la difficulté comme ça. Eh ben, je ne pensais pas, ça m'énerve beaucoup, mais du coup, c'est un petit peu le syndrome l'infernal avec Dark Souls, c'est que j'ai fini par y prendre goût. Ah, on s'était simplement lancé un défi à un moment donné entre nous de dire, quand ils avaient sorti la collection reprenant les trois opus d'Uncharted, en disant, on les refait tous et on les fait tous en extrême. Du coup, moi je me dis, je vais pas le commencer en explorateur pour le dernier opus de la série, donc je l'ai attaqué directement dedans. Et je me suis senti presque fort d'avancer aussi vite, mais arrivé au chapitre 17, Les Naufragés, là c'est fini. Aujourd'hui, là je suis vraiment dans la souffrance et la douleur. J'ai spoilé qu'il y avait plus de 17 chapitres. Non, il y en a 22. Il y en a 22. Merde, mais je vous déteste. C'est de bonne guerre. Ça veut dire que je vais voir le décompte arriver et je vais me dire ça. Merde, ça va être la fin. Et ouais. Tiens, tu vois, il y a Thibaut qui nous dit l'IA est mal gérée au niveau de la difficulté. Il nous reste 2 minutes avant qu'on se quitte parce que sinon on va tenir l'antenne jusqu'à minuit. Moi je suis chaud de dingue. Mais est-ce qu'on parlerait pas dans ce cas-là juste des défauts qu'on a trouvés? Oui, carrément. Juste pour reprendre du coup la difficulté, certes on fait un jeu en mode extrême, on s'attend à ce que ce soit compliqué, là c'est trop inégal je trouve dans cet opus là pour le mode extrême uniquement, parce que du coup moi je l'ai fait que ça. C'est que on peut avancer, comme il y a quand même beaucoup de dialogues dans le jeu. Ouais, c'est vrai. Mais c'est pas désagréable. C'est pas désagréable du tout, parce que c'est très bien mené, c'est très bien scénarisé. Ouais. Et les dialogues, les mots, la traduction est juste la VF est juste top quoi. Ah mais oui, c'est ça. Alors, aujourd'hui on aurait du mal à entendre Nathan Drake avec une autre voix. Oui, clairement. Ça commence à me saouler que tous les jeux PS4 tu puisses pas changer la langue par contre. Ah c'est, oui, ça truc, ouais. Ça me rend dingue. Ouais. Et donc voilà, du coup c'est un peu mal géré parce qu'on peut avancer très vite parce qu'il y a beaucoup de dialogues et tout d'un coup on va être bloqué, c'est très retors et ça fout les boules parce qu'on a bien avancé, on est content et là après tant qu'on n'a pas trouvé le bon chemin, le bon timing, la bonne frame, on est galéré. Donc au niveau de cette difficulté là, je trouve que c'est assez mal réparti. À la limite, j'aurais dû mettre plus de gunfight, mais moins compliqué. C'est ça. En gros, cet épisode, j'ai l'impression qu'ils l'ont un peu simplifié. En gros, il y a 4 grosses séquences assez importantes dans les Uncharted. Il y a l'exploration, l'escalade, il y a les énigmes et il y a les gunfights. Ouais. Les énigmes sont moins dures aussi. Ah, les énigmes sont clairement hyper faciles. Quoi. Ouais. Enfin, on nous dit il y a un défi de speedrun pour finir le jeu en moins de 6 heures, qui est buggé. Hein. Il y a des techniques pour l'avoir. Les énigmes, moi, franchement, je les ai tout de suite du premier coup. Alors, je peux comprendre qu'il y a des gens qui soient pleins parce que un jeu comme ça d'action aventure rester bloqué une semaine parce que t'arrives pas à faire une énigme parce que il faut que tu mettes en face des formes géométriques. Je peux comprendre, tu vois, ça casse le rythme. Mais après aussi, enfin, on est aussi habitué aujourd'hui avec Uncharted. On a intégré la façon, la mécanique dont ils font ces scènes-là. Ils ont rien modifié, ils ont rien apporté de d'ailleurs, plus. Justement, ça, je trouve que dans les points négatifs, ça s'observe un peu. Le pattern qui est toujours le même au final, les transitions entre les phases d'escalade et c'est très rythmé, c'est comme du papier à musique. Ouais, quoi. C'est ça. Et depuis le début d'Uncharted, c'est comme ça. Depuis le début d'Uncharted, plus j'avance dans l'aventure, plus je me dis allez, là ça va être un gunfight, là ça va être voilà. C'est reconnaissable. Vrai qu'ils, Ils y ont pas trop travaillé à ce point de vue-là, mais sûrement parce que les joueurs ne s'en sont pas trop pleins non plus. Attention, il y a Bibine qui nous a fait une phrase de ouf. Il y a pas une faute quoi. Les relations entre personnages très bien mises en scène. Bon, c'est pas Thibaut, c'est quelqu'un qui a pris son compte. C'est sa sœur. Qu'avez-vous fait du vrai? C'est pas lui. Yes, je sais pas, pour conclure, parce qu'on est, on explose le timing. Ouais. Dandy, toi, vite fait. Écoute, moi, je vais dire un truc tout simple. J'avoue que cet épisode-là, j'aurais peut-être pris plus de plaisir, je pense, à le regarder comme un film qu'à y jouer. J'aurais préféré que ce soit un film. Parce que j'ai trouvé les cinématiques super, l'histoire était sympa, mais ça aurait été un film. Franchement, moi je vais te dire, le jour où ils vont parler de faire l'adaptation en film, je pense que je serai déçu parce qu'ils n'arriveront pas à rendre cette tension nerveuse qu'il y a. Je m'en passionne dessus cette qualité scénaristique dans le montage, c'est juste hallucinant. On ne sait jamais ce qui va lui arriver. Le coup des trucs qui dégringolent, ça, putain, maintenant tu le sais partout quoi. Tu vas sur une corniche, bon allez, ça va dégringoler, et bim, ça dégringole. Tu passes un pont, ça dégringole. Et tout, c'est assez marrant. Enfin, oui. C'est que c'est comme CS, c'est comme Counter-Strike. Tu peux pas leur demander d'un opus à l'autre de rajouter un système de visée. Tu vois, c'est comme ça qu'on aime Counter-Strike. Bah, c'est comme ça qu'on aime Uncharted, je pense. Et c'est comme ça qu'ils ont voulu répondre à la demande aussi. Ouais. C'était censé être le dernier, le 3. Faut pas l'oublier aussi. C'est Tandax, quand t'avais pas prévu de faire un opus, d'en faire un qui soit à la hauteur. Et là, clairement. Et c'est très bien. À l'instar des Assassin's Creed, là, on a enfin une licence qu'on a connu le début. Et voilà. Alors, moi, j'y suis pas encore, du coup. Mais je sais qu'il y aura une fin. Je m'en fiche. Après, même si je suis déçu par la fin en elle-même, on aura suivi un héros du début à la fin et ça se termine. Chose que Assassin's Creed aurait dû faire. Ouais, voilà, je coupe la bande son. C'est un peu ce qui m'a déçu, moi, clairement. Ils nous ont vendu du rêve. Pour ce dernier opus, on s'est dit, on s'attendait tous à un truc de ouf. Là, je vais pas entendre la fin. Peu importe, je vais pas rentrer dans les détails. Moi, j'étais un petit peu déçu quand même. Pareil. Un tout petit peu. Ouais. Et puis, je voulais dire un autre truc, je sais plus ce que c'est, mais c'est pas très grave. Ah. Si, il y a un passage qui est juste hallucinant de beauté, c'est Libertalia. Voilà, c'est pas du spoil. Ah oui. Vous finirez bien par y arriver un jour ou un autre. Vous allez halluciner. Voilà, moi c'est, je me suis laissé. Enfin, voilà, j'ai coupé la musique. Ouais, et j'ai joué dessus, à ce qui paraît. Ah ben, j'ai collé toutes les. Il y en avait partout. Moi, la scène où il rentre dans Libertalia, dans la salle où le banquet. La scène du banquet. Ouais, carrément. C'est juste magnifique. J'en ai fait un screenshot. Et d'ailleurs, c'est fabuleux. Il y a un easter egg sur un des tableaux. Il y a un des pirates. C'est le personnage de Monkey Island. De Monkey Island. Et c'est dans l'énigme avec les petits trucs à tourner, là. Ouais, carrément. Bon, bref, en tout cas, on vous le conseille, sans déconner. C'est une tuerie, cette Uncharted 4. Alors, il y a eu une vague de déferlement de commentaires sur Internet et tout. Les gens en ont eu marre, clairement, sur les streams. Ils disaient, ah, Uncharted 4, vous avez que ça à la bouche. Oui, mais c'est juste une killer app de dingue. Vous achetez la PlayStation 4, vous prenez Uncharted, quoi. Ouais. C'est, franchement, il est magnifique. C'est une magnifique vitrine. Et oui. Ben, voilà. Il la faut. Tout ouais, bon joueur dans sa vidéothèque. Et puis voilà, c'est un jeu qui fait du bien. Il y a un peu de tir, mais pas que. Et moi, ce que je kiffe dans ces jeux-là, c'est qu'on voit du pays. Voilà. Ouais, et ça me fait kiffer. Mmh. Tu vois, c'est con, mais je regrette presque d'avoir vu les vidéos de Madagascar. Tu vois, de l'E3. Ouais, ouais. Moi, ce que je kiffe dans Uncharted, c'est quand il dit, oh yes, on a trouvé le médaillon de je sais pas quoi. Allons, là-bas. Putain, et il part à l'autre bout de la planète, tu vois, et tu sais pas où il arrive. Voilà, moi c'est ça qui me fait kiffer dans les jeux d'aventure. Et puis tous les petits détails, Madagascar, on roule tout d'un coup, hop, trois petits lémuriens qui traversent devant, ouais, qui grimpent dans un arbre. Juste ça, on est dedans. Et en plus, on peut pas tuer les animaux. Non, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Yes. Bon, en tout cas, voilà, on vous le conseille grandement, hein, cette Uncharted 4. La semaine prochaine, Doom et Shadow of the Beast dans l'émission, les streams moi demain. Overwatch aussi. Et Overwatch, ouais. Bon, puis on va faire Overwatch et Doom. Ok. Voilà, comme ça on fait une spéciale FPS. Et la semaine prochaine, on reçoit la startup qui a créé l'application de téléphone. Je croyais que c'était soir, mais en fait c'est la semaine prochaine. C'est Tricky, Tricy, Tricky. Je sais plus. Ils seront contents. Tricky, je crois. En tout cas. Ouais. Désolé, on a oublié le nom. Bah désolé hein, pour les auditeurs d'Eau de Radio, on a bien débordé. La playlist revient juste après. Il y a les Gagnaras, tiens, avec l'unité. Et puis au niveau des streams, je pense qu'on va se faire demain, on est mercredi, jeudi, on va se faire du Uncharted 4. Et vendredi, on attaque ou du Overwatch ou du Tortue Ninja, qui a l'air très bon en cel shading et tout. Ça a l'air sympa. Je pense qu'on va se rendre la gueule. Le site arrive vers le 10 juin. On va se faire la soirée rétro gaming aussi qu'on vous a promis. Faut inviter les. Ah mais carrément. Ah oui, oui. Nous, hein, dès qu'il y a de la soirée, on va se faire un stream rétro gaming. Il y a ça, on fera une soirée de présentation aussi du site. Vous inquiétez pas, il y a plein de choses qui arrivent. Le replay de l'émission sera en ligne dès demain. Vous inquiétez pas, sur PodCloud et iTunes. Merci LRGB d'être venu nous voir. Merci à vous les gars. Ah, si vous avez des dates à balancer, ouais, n'hésitez pas. Je vais juste dire un petit mot. Alors déjà, merci à vous pour l'invitation, comme de rien. Au début. Plaisir. Merci aux RGB qui nous ont écoutés ce soir. Merci aux RGB qui nous suivent tous les jours. N'hésitez pas à nous rejoindre. Et surtout, n'oubliez pas, samedi, on est à l'ouverture du bar Random à Bordeaux, Barrière Saint-Jeunesse. Nouveau bar geek spécial rétro. C'est vrai. Ouais, qui ouvre là vendredi, donc on sera samedi soir pardon, on sera là l'ouverture le 28 à partir de 18h pour une soirée là-bas. Et bah faut qu'on les reçoive dans l'émission, tu me fileras le contact. Ça marche avec grand plaisir. Carrément. On leur merci à un tous. Petit peu de pub. Merci, à la merci les poulets. Allez, merci à toi. Salut à la ferme. Allez, bisous, bye bye, bonne soirée. Ciao, bye. Bisous, ciao. À Bordeaux, vous écoutez O2 Radio sur 91.3.